Donc, Pierre Stamboul vient aujourd'hui nous présenter son livre, paru en novembre 2012 aux éditions Acrasi. L'édition Acrasi animée par Jean-Pierre Duteuil. Donc, je laisserai évidemment Pierre dire tout ce qu'il veut sur son livre, puisqu'il est là pour ça. Je vais simplement dire que c'est un livre qui regroupe des brèves et des analyses parues essentiellement, je ne sais pas si c'est uniquement, mais essentiellement dans l'école émancipée avant 2002, puis émancipation. Pierre est un prof de maths à la retraite, il me dit là. C'est donc l'un des animateurs de l'émancipation depuis sa création, il en est trésorier aujourd'hui. Je ne dis rien sur l'émancipation, parce que tu le diras toi. Et par ailleurs, donc, Pierre milite, et vous avez des petites brochures là, vous pouvez vous servir. Milite à l'Union juive française pour la paix, UJFP, depuis une dizaine d'années, je crois que tu y es. Union qui bataille contre le sionisme et dénonce la politique criminelle en Israël. Tu es actuellement co-président de l'UJFP, et je crois que tu as été président. Fait un certain nombre de conférences sur le sionisme et donne souvent des interviews dans les médias du Maghreb et sur des radios associatives. Et par ailleurs, tu te dis de sensibiliser communiste libertaire. Voilà, je te laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup Marie-Bonne. Effectivement, pour moi, il y a une certaine satisfaction un peu que mes deux terrains politiques aujourd'hui sont un petit peu mêlés. Bon, mon livre est bien sûr un livre, je pourrais résumer en quelques mots, c'est un livre qui donne un point de vue juif sur l'apartheid israélien et sur le moteur de cet apartheid qui est le sionisme. Mais c'est vrai aussi que, avant de militer de façon très pointue un petit peu sur la question palestinienne et sur les crimes de guerre qui sont commis contre la Palestine, j'ai milité comme communiste libertaire dans toute une série de luttes, et je le raconterai un petit peu, ça fait partie un peu des deux premiers chapitres du livre, comment c'est quelque part aussi mon engagement syndicaliste révolutionnaire dans l'école émancipée puis émancipation, et puis mon engagement pour différentes causes qui a aidé à une rupture avec le sionisme, parce que je vais l'expliquer un petit peu, j'ai été sioniste dans ma jeunesse, donc quelque part je connais les mensonges fondateurs de cette idéologie. Je vais commencer par vous lire une lettre que un certain nombre d'entre vous ont peut-être lue, mais qui éclaire tout de suite le terrain. Vous savez qu'il y a trois jours, Stéphane Hessel est mort. Et dans les hommages à Stéphane Hessel, il y en a un peu particulier que je vais vous lire, que l'hommage du CRIF, Conseil représentatif, paraît-il, des institutions juives de France. Le CRIF a appris le décès de Stéphane Hessel à l'âge de 95 ans. Il est de notoriété publique que nous étions très opposés à ses prises de position, notamment à sa volonté obsessionnelle de faire de Gaza l'épicentre de l'injustice dans ce monde et du Hamas un mouvement pacifique quasiment d'assistance sociale, contrastant avec son indifférence aux tragédies humaines et aux crimes de masse qui se déroulent de nos jours dans un silence général. Il est vrai que nous étions stupéfaits par sa propension à grandir ou à laisser grandir par ses turiféraires dévoués, le rôle qu'il avait tenu dans plusieurs événements importants de notre histoire, ainsi que par la volonté des médias de ne pas relayer ses déclarations sur la bénignité de l'occupation nazie qui, émise par tout autre que lui, aurait soulevé l'indignation. Il va sans dire que nous étions effarés par le succès de son fascicule d'une indigente indignation. Nous pensons que la mise au pavois de Stéphane Hessel, malgré ses accommodements avec la vérité historique et sa faiblesse argumentative, en dit beaucoup sur le désarroi intellectuel de notre société et sur le rôle aberrant qui joue le marketing des individus qu'on transforme à bas prix en luminaire idéologique. Stéphane Hessel fut avant tout un maître à deux pas pensés. Son grand âge, son sourire, son apparente ingénuité, son indignation focalisée et ses poèmes surannés évoquait un monde angélique, mais pavait la route, certainement sans qu'il le voulût lui-même, au véritable criminel tapis derrière l'enfer des bonnes intentions. Le travail de déconstruction de Stéphane Hessel sera effectué, Mais en ce jour de sa mort, nous voulons aussi retenir de lui qu'il fut un résistant courageux, un contributeur modeste mais réel à la lutte pour les droits de l'homme et un amoureux passionné des lettres françaises. Alors, si je vous ai lu ce torchon, c'est parce que vous avez avec le CRIF l'équivalent français du gouvernement israélien et de ce qui est infligé au peuple palestinien. Alors peut-être avant d'aborder cette question d'un point de vue très juif, je vais décrire un peu la situation qu'il y a en Palestine. En Palestine aujourd'hui, il y a à peu près autant de Palestiniens que d'Israéliens entre mer et Jourdain. 51%, 49%. Dans quelques années, les Palestiniens seront assez clairement majoritaires dans toute cette région. Pour arriver à une domination et à l'occupation actuelle, l'occupant a fragmenté, a divisé, a cassé la Palestine en toute une série d'entités qui chacune subissent leur forme particulière d'oppression ou de discrimination. Il y a la Cisjordanie sans Jérusalem, c'est aujourd'hui un peu plus de 2 millions de Palestiniens, 350 000 colons. C'est une région qui a été bantoustanisée, puisque il y a aujourd'hui la zone peuplée de Palestiniens est complètement éclatée, et ce sont les villes palestiniennes qui sont entourées par les colonies israéliennes. L'occupant a même divisé la Palestine, la Cisjordanie, en trois zones, zone A, zone B, zone C. La zone A, c'est théoriquement une zone sous souveraineté de l'autorité palestinienne, et régulièrement, l'armée israélienne y fait des incursions, et en ce moment, puisqu'en ce moment, vous avez peut-être lu qu'il y a une grève de la faim des prisonniers, qu'il y a des prisonniers qui, Samir Issaoui, qui a fait plus de 200 jours de grève de la faim, il est sous perfusion pour ne pas mourir, et il y a des manifestations en zone A, et ce qui n'empêche pas l'armée israélienne, bien évidemment, d'intervenir. Et la zone C, qui comprend les colonies et la vallée du Jourdain, est littéralement annexée. Dans cette Palestine éclatée, il y a Gaza, qui est un véritable laboratoire à ciel ouvert, qui est une zone où vivent 4000 habitants au kilomètre carré, et qui a été expérimenté par les Israéliens, comment on peut punir collectivement un peuple d'avoir mal voté, les fameuses élections qui ont porté au pouvoir le Hamas, comment on peut boucler un territoire, mais avant de le boucler, les Israéliens avaient pulvérisé l'aéroport et le port de Gaza, et puis ils ont totalement fermé la frontière, ils ont eu la complicité de Moubarak pour ce blocus, et le résultat, ça a été une population massivement affamée, avec 4 ou 5 fois ou 10 fois moins de camions qui pouvaient passer la frontière que le nécessaire pour nourrir la population, une eau qui est devenue imbuvable à Gaza, les nappes phréatiques sont complètement polluées, un manque d'électricité chronique, et puis un manque de médicaments, un manque de ciment pour reconstruire tout ce qui a été détruit. Et à Gaza, de temps en temps, l'armée israélienne vient faire un petit entraînement. 1500 morts à plomb durci en décembre-janvier 2008-2009 et 150 morts encore en novembre dernier. Et tout ceci avec la complicité de la communauté internationale qui ne dit rien. Dans cet éclatement de la Palestine, Jérusalem, c'est la ville des trois tiers. Un tiers, c'est Jérusalem israélienne à l'ouest. Et Jérusalem-Est est partagée à peu près en deux parts égales, la ville palestinienne, les villes palestiniennes, la vieille ville Silwan, Sheikh Jarrah, et les colonies. Aujourd'hui, les Palestiniens sont très très majoritairement majoritaires dans ce qui théoriquement devrait être la capitale de leur futur État, et ça c'est une vaste blague. Et en permanence à Jérusalem, on détruit les maisons des Palestiniens, on infiltre les quartiers des Palestiniens. Et puisque je suis ici au milieu des Anars, on utilise la légende du roi David qui n'a jamais existé pour construire à Silwan la maison du roi David, le parc du roi David, le musée du roi David. Et pour installer ça, évidemment, on détruit les maisons des Palestiniens. Et puis dans cette Palestine éclatée, il y a les Palestiniens de 48, ceux qui ont théoriquement la nationalité israélienne, mais qui vivent un nombre invraisemblable de discriminations à la terre, au logement, au travail. À 50%, ils vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont des villages clandestins non reconnus. Et dans cette catégorie des Palestiniens d'Israël, il y a les Bédouins du Negev qui, eux, vivent véritablement un cauchemar. On leur a confisqué leurs terres. On les a regroupés, je dirais, parqués dans 7 villages reconnus qui sont limites zones, mais ce qui veut dire que 100 000 bédouins du Negev aujourd'hui, théoriquement citoyens israéliens, vivent dans des bidonvilles en plein désert où ils n'ont pas le droit de construire et où chaque fois qu'ils construisent avec des parpaings et tout, on vient détruire leur maison. Et le village d'Al-Araki, par exemple, a été détruit plus de 40 fois. Le KKL, le Fonds National Juif, a même envoyé des shminitsim, des lycéens en terminale, faire un petit stage de formation, apprenez à détruire un village bédouin. Un village non reconnu, il faut savoir que c'est un village sans route, sans eau, sans électricité, sans école, et donc les bédouins s'accrochent à leur terre et tout. Et la cinquième entité de cette Palestine fragmentée, éclatée et détruite, ce sont les réfugiés. Ne pas oublier que l'acte fondateur, c'est l'expulsion de la majorité des Palestiniens de leur propre pays en 1948. Aujourd'hui, 4,5 millions de Palestiniens ont la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies. Ils sont répartis dans 59 camps, dont une bonne moitié est située en Palestine, Gaza ou Cisjordanie, et le reste en Jordanie, surtout en Syrie et au Liban. Mais qu'il y a, au-delà de ces 4,5 millions de réfugiés, encore plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui vivent dans les pays du Golfe, en Europe, aux États-Unis ou en Amérique latine. Donc, cette fragmentation de la Palestine, cette occupation, elle porte un nom, ça s'appelle l'apartheid. Le tribunal Russell sur la Palestine qui s'est réuni, et qui continue de se réunir, il en est à l'acte final. La session qui a eu lieu en Afrique du Sud en novembre 2011 a conclu que ce qui est infligé à la Palestine, c'est l'apartheid. Et évidemment, pour l'apartheid, le droit international, ou ce qu'il en reste, préconise le boycott. Et l'Union juive française pour la paix a totalement adhéré à ce qu'a été l'appel de la société civile palestinienne. En 2005, 172 associations palestiniennes ont lancé un appel mondial au boycott des investissements sanctions. Ça veut dire évidemment ne pas acheter de produits israéliens. Et ce matin, et Claudette qui est là, il y a encore eu une action BDS à Marseille, à Carrefour Merlan. Mais il y en a un petit peu partout en France. Et ça, ce sont des actions qui sont faites auprès des grandes surfaces sur la question du boycott. Mais il y a beaucoup plus dans le boycott. On s'adresse par exemple à Mehadrin, qui est la compagnie israélienne qui commercialise les oranges de Jaffa, les avocats Carmel. Le boycott, c'est aussi le boycott syndical. Essayer d'isoler définitivement la Histadrut, qui n'a de syndicat que le nom. C'est une institution sioniste, fondatrice de l'État d'Israël, qui défend le travail juif et qui persécute les Palestiniens. C'est le boycott culturel, c'est-à-dire dénoncer et essayer d'empêcher les artistes d'aller se produire en Israël. Et les artistes israéliens, s'ils viennent individuellement, pas de problème. S'ils viennent comme représentants de leur État, c'est les boycotter. C'est aussi le boycott sportif. Il y aura, sans doute vous le savez, dans quelques mois, l'Euro de football junior de moins de 21 ans en Israël. Et bien évidemment, nous appelons à boycotter. En règle générale, il y a des manifestations chaque fois que une équipe israélienne se produit en France ou en Europe. Le désinvestissement, c'est aussi agir auprès de toutes les firmes qui font du fric avec l'occupation. Et pour parler des institutions capitalistes françaises ou belges, Veolia et Dexia, qui ont investi des milliards dans les colonies et dans l'occupation, ont, notamment le fameux tramway de Jérusalem qui a été financé par Alstom et Veolia, ont subi des pertes très importantes à cause des actions de boycott. Les sanctions, ce sont aussi les sanctions politiques. Et évidemment, tous les pays qui gèlent leurs relations politiques avec Israël, nous approuvons tout ça. Alors, si j'ai parlé de la situation là-bas, à peu près toutes les militantes et les militants qui militent pour les droits des Palestiniens vous diront la même chose. Ce qui m'a décidé un petit peu à faire cet énorme pavé d'un kilo, c'est que j'avais, depuis très longtemps, j'avais commencé à écrire sur la question, et dans mon itinéraire, et il est raconté dans le livre, c'est parti de ma judaïté. Alors je vais un petit peu expliquer comment, mais comme Stéphane Hessel, mes parents, qui sont morts maintenant, étaient nés en 1917, une année emblématique, et ils sont venus, ce sont des juifs d'un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Bessarabie, qui est partagé aujourd'hui le sud, l'Ukraine, là où est né mon père, la région du Boujak, et le nord, là où est née ma mère, la Moldavie. Et ils ont été, la Bessarabie était roumaine entre les deux guerres, ils ont été militants communistes, ils ont émigré en France sans se connaître d'ailleurs tous les deux en 1938, ils se sont engagés dans la résistance communiste, dans la MOI, mon père a été dans le groupe Manoukian, il en a été un des rares rescapés, il a été déporté à Buchenwald, et ma mère est la seule rescapée de sa famille qui était restée là-bas et qui n'est même pas déportée, disparue. Et... moi, je nais en 1950, donc ma judéité, je suis né athée, non circoncis et anti-religieux. Aujourd'hui, je suis farouchement antisioniste, et je vais l'expliquer, ça a été le but de mon militantisme. Donc mon rattachement à la judaïté est un rattachement entièrement sur la question du génocide. Je suis né comme une espèce d'enfant de rescapé, comme un enfant qui n'aurait pas dû exister, et j'ai été éduqué un petit peu dans cette optique-là. Dans ma jeunesse, j'ai été sioniste, je suis donc parti deux fois, deux mois et demi en kibboutz, c'est raconté dans le livre, et justement c'est bien, je raconte un peu ce que j'ai vu, mes réticences ou mes pas réticences, et puis comment je les analyse un petit peu après. Et je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, à lire le dernier livre de Shlomo Sand, où il assassine à très juste titre la formidable illusion qui a été le kibboutz. C'est-à-dire pour ceux, comme je suis chez les libertaires, je sais qu'il y en a eu pas mal, pour ceux qui pensent que le kibboutz c'était un petit îlot de socialisme autogestionnaire, ouais, c'est un îlot, d'abord pas tous, puisque le premier kibboutz que j'ai vu était comme ça, et le deuxième était déjà un kibboutz capitaliste qui utilisait la main-d'œuvre bon marché. Mais le kibboutz a été avant tout un instrument d'occupation et un instrument qu'on a envoyé aux frontières ou dans les zones à majorité palestinienne pour occuper. Et c'est parce que les Israéliens avaient besoin de ce type de colonisation, parce qu'une autre colonisation n'était pas possible à l'époque, que les kibboutz ont existé. Aujourd'hui, vous voyez en Cisjordanie que les nouveaux énormes blocs de colonies, ça a remplacé dans l'imaginaire de la colonisation, ça a remplacé le kibboutz. Le kibboutz était totalement interdit aux Arabes. Si jamais un kibboutznik avait la malencontreuse idée de rencontrer une Palestinienne et de vouloir vivre avec elle, ils étaient expulsés immédiatement du kibboutz. Et cette espèce de socialisme réservé aux Juifs dans un univers raciste, colonialiste et nationaliste n'a bien sûr pas survécu. Aujourd'hui, les cantines des kibboutz sont privatisées. Les kibboutz se sont cotés en bourse et se sont devenus des entreprises prospères, dont un certain nombre d'ailleurs de ces entreprises sont fabriquent du matériel militaire, ça arrive extrêmement fréquemment. Donc je raconte un peu ce passage au kibboutz, et puis vu mon âge, arrive mes 68, assez rapidement je me reconnais dans des idées communistes libertaires, donc c'est pas un hasard si mon éditeur est à Crassy et Jean-Pierre Duteuil. Et malgré tout, je m'aperçois très rapidement que Israël est dans le mauvais camp absolument dans toutes les luttes possibles et imaginables qu'on peut mener, que ce soit les luttes dans les années 70 contre les dictatures sud-américaines, Israël aide la dictature argentine ou la dictature chilienne, que quand ils assassinent des progressistes en plein Paris, Mohamed Boudia et tout, ce sont des gens avec qui on milite et qui sont assassinés par le Mossad, donc on voit véritablement qu'ils sont de toutes les mauvaises guerres. Donc assez rapidement, je vois en plus qu'ils ne vont pas évacuer les colonies. Mais ça, je le savais par ma famille en Israël. J'avais rencontré à l'âge de 16 ans, et été hébergé même par un cousin de mon père, général dans l'armée, et qui expliquait en 67, donc alors que tous les Européens ont cru que Israël était assiégé, qui expliquait, on n'était pas assiégé, la guerre était préparée, les plans d'invasion étaient faits, et tu vas voir, dans quelques jours, nous allons coloniser. Par ma famille, je savais que la colonisation était préméditée et était quelque chose de prévu dans l'expansionnisme israélien. Ma première rupture, vraiment, c'est 1982, c'est un article que j'ai retrouvé, où j'ai écrit dans une revue juive culturelle un article contre l'invasion israélienne du Liban, par les troupes de Begin et de Sharon, mais j'écris ça dans des termes très naïfs que je n'utiliserai plus maintenant. C'est-à-dire, j'écris ça dans des termes où je m'imagine que les Israéliens, quelque part, sont les descendants des rescapés d'Auschwitz, et aujourd'hui, je sais que c'est parfaitement faux, mais j'en parlerai un petit peu après. En 83, déjà dans la revue de l'École émancipée, j'ai un article un peu prémonitoire sur un autre terrain, c'est Ariel Sharon à Faisal Assad, même salaud, même combat, c'est très actuel sur ce qui se passe en Syrie, c'est l'encerclement de Yasser Arafat par les troupes syriennes d'un côté et les vedettes israéliennes de l'autre côté. Bon, donc on est tout à fait là dans l'actualité. Je vais commencer à partir de 1989 à tenir dans cette revue et son ancêtre la chronique des brèves internationales tous les mois. Et donc j'ai retrouvé toutes ces brèves, l'ordinateur pour moi a commencé à exister en 1994, et donc dans mon livre, sous forme de 4 ou 5 chapitres, on a l'histoire mois par mois de cette guerre. Et quand on regarde cette histoire-là, ce n'est pas les nouvelles qu'on peut entendre, grève de la faim des prisonniers palestiniens ou telle incursion. Bon. On voit sur 25 ans le rouleau compresseur colonial. On voit comment le sionisme a fonctionné totalement depuis son existence, mais là on le voit sur 25 ans, par le fait accompli, en avançant à chaque fois. Alors il y a un chapitre par exemple qui s'appelle Oslo ou la grande illusion. On voit comment Oslo a, dès le départ pour les Palestiniens, été un véritable piège. La seule chose qui a été signée à Oslo, c'était que l'autorité palestinienne accepte de faire la police et assure la sécurité pour l'occupant. D'ailleurs, dans les manifestations actuelles en Cisjordanie, immédiatement Netanyahou a demandé à Mahmoud Abbas « Mais alors, tu n'assures pas l'ordre, c'est ton rôle ». Et on voit que ça, c'était là depuis le départ. On voit comment Yitzhak Rabin, qui est souvent encensé comme étant le grand pacifiste et tout, déjà, il s'était fait la main en écrasant la première intifada, en innovant des méthodes de torture. Mais on voit comment, après les accords d'Oslo, entre les accords d'Oslo et son assassinat, il installe 60 000 nouveaux colons. Il n'y a pas un seul Premier ministre qui n'a pas contribué de façon étonnamment importante à la colonisation. Il y a des chapitres sur Shimon Peres, qui est aussi une crapule intégrale. On voit comment il a, le peu qui pouvait rester des accords de paix, il les a torpillés. Et puis, on voit qu'il n'y a aucune différence à l'intérieur de l'idéologie sioniste entre le courant qui se dit de gauche, mais gauche sioniste, c'est un oxymore, c'est une contradiction. Le sionisme, j'en parlerai après, a été dès le départ un colonialisme. Mais cette gauche sioniste a trempé absolument dans tous les crimes contre les Palestiniens. Mais on voit comment la droite sioniste, ceux qui s'appellent eux-mêmes les révisionnistes, les disciples de Jabotinsky, dont les noms sont aujourd'hui Menachem Begin qui est mort, Yitzhak Shamir qui est mort, Ariel Sharon qui est légumineux, mais ceux d'aujourd'hui, c'est Netanyahou, c'est Tzipi Livni, c'est Avigdor Lieberman. Et on voit comment tout cela, dès le départ, avait comme seule et unique intention le nettoyage ethnique et ce qu'ils appellent en novlangue le transfert, c'est-à-dire l'expulsion de tous les Palestiniens au-delà du Jourdain. Donc cette chronique arrive un petit peu jusqu'à la dernière période. Ils sont décrits tous les crimes qui ont été commis par Israël lors de l'attaque du Sud-Liban en 2007, lors de l'attaque contre Gaza, lors de l'opération Plomb Durci. Et puis ils sont décrits aussi les négociations bidons, comment en permanence la direction américaine et la direction sioniste, totalement alliées, n'ont jamais demandé aux Palestiniens, dans toute une série de pseudo-négociations, Tabac, Camp David, Annapolis, le Quartet, la feuille de route, que sais-je, à chaque fois ce qu'on a demandé aux Palestiniens, c'était en gros capituler. Et Arafat n'a pas voulu capituler, et il en est sans doute mort. Je reprends ce que Charles Anderlin, le journaliste de France 2, a très bien décrit dans son livre « Le rêve brisé », comment Arafat a refusé de signer les accords de Camp David et comment Clinton et Barack lui ont dit « Tu es un homme mort, nous te ferons porter la responsabilité de l'échec » et comment effectivement il a été quelque part un homme mort. Et en Palestine, tout le monde est totalement persuadé, à juste titre, que Arafat a été assassiné. Alors, mon apport, quelque part, en tant que juif, il a été que je pensais que ce que je savais un petit peu sur le sionisme était quelque chose de connu. Et en 2002, on est en pleine, ce qu'on appelle improprement la deuxième intifada, mais qui était le résultat de la provocation de Sharon sur l'esplanade des mosquées, je fais à 50 mètres d'ici, à Mille Babor, une conférence qui s'appelle « Les Juifs, le sionisme et Israël ». Et c'est la première fois que je traite le sujet. Je ne suis pas connu, j'imagine qu'il y aura 10 personnes et tout. La salle était archi pleine, c'était juste avant les élections. Besancenot faisait un meeting le même jour, probablement une partie du public d'ailleurs n'était pas chez moi, était chez lui, ce qui fait que ça aurait été plus. J'ai réalisé que parler du sionisme en tant que juif avait une portée. Alors, qu'est-ce que je peux dire du sionisme ? C'est Michel Warshavsky qui a préfacé mon livre, j'espère que vous avez entendu parler de Michel Warshavsky, qui est un des plus connus et des plus éminents anticolonialistes israéliens. Et Michel Warshavsky a retenu essentiellement dans le livre la critique du sionisme. Et ce qu'il dit, et que je partage totalement, parler du sionisme, ce n'est pas parler de l'histoire. Certains s'imaginent que, puisqu'Israël existe, ce n'est pas la peine d'en parler. C'est un phénomène acquis. Non. Parler du sionisme, c'est ce qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la paix, c'est parce qu'il y a le sionisme. Et je dirais même, tant qu'il y aura le sionisme, il n'y aura pas la paix. J'ai comparé tout à l'heure le sionisme à l'apartheid. Personne n'aurait pu penser qu'on puisse sortir, on n'en est pas vraiment sorti, mais qu'on puisse un peu sortir en Afrique du Sud de la barbarie avec le maintien de l'apartheid. Mandela avait été assez clair sur la sortie. C'était trois choses ne sont pas négociables. L'apartheid est un crime, une personne égale une voix, et l'Afrique du Sud est une et indivisible. En Israël-Palestine, une telle sortie, ce serait de dire la Nakba, la catastrophe, le nettoyage ethnique de 48 était un crime, et il faut aujourd'hui reconnaître le crime et le réparer. Et on comprend bien que si cette parole n'est pas dite et si ce phénomène n'est pas entamé, il n'y a pas de paix possible. Mais dire ça, c'est détruire le sionisme. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien du sionisme si on reconnaît, je vais expliquer pourquoi, si on reconnaît que le nettoyage ethnique était un crime et était prémédité, et si on dit aujourd'hui qu'il faut le réparer. Alors, pourquoi ça ? Le sionisme, c'est avant tout la théorie de la séparation. J'en parle d'autant plus qu'en France, on sait qu'aujourd'hui, on a une politique ignoble qui est menée vis-à-vis des sans-papiers, vis-à-vis des Roms, et vis-à-vis de tous les colonisés ou les descendants des colonisés qui vivent ici. On comprend bien que sur cette question-là, il n'y a pas d'autre alternative que l'égalité des droits totale et le vivre ensemble dans l'égalité des droits. Mais justement, le sionisme, il nie ça. C'est-à-dire qu'il apparaît en Europe orientale et en Europe centrale à un moment où l'antisémitisme est totalement idéologiquement dominant en Europe, mais le sionisme proclame dès le départ, juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Le mélange est impossible, la lutte contre l'antisémitisme n'a pas de sens, l'antisémitisme est inéluctable. Et donc il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut partir. Le sionisme est un colonialisme très particulier, puisque j'ai parlé du colonialisme en France. Si on prend par exemple le colonialisme en Algérie, dans toutes ses ignominies, il avait entre autres la volonté d'asservir et d'utiliser comme force de travail le peuple colonisé. Le sionisme est différent là-dessus. Il ne veut pas asservir le peuple colonisé, il veut l'expulser et le remplacer par une population artificielle venue d'ailleurs. Le sionisme est un nationalisme très particulier. Il naît en Europe à un moment où il y a une explosion de tous les nationalismes, spécifiquement en Europe de l'Est, sur les ruines des empires ottomans, russes et austro-hongrois, et où, en gros, la revendication qui semble faire consensus, c'est un peuple égal un État. Sauf que le sionisme, comme nationalisme, il va inventer le peuple, la terre et la langue, rien que ça. Le peuple, parce que je partage totalement l'idée de Shlomo Sand, il n'y a pas un peuple juif, il y a des peuples juifs. Il y a un peuple judéo-arabe, un peuple judéo-espagnol, un peuple yiddish, un peuple falacha, il n'y a pas un peuple juif. C'est clair que physiquement, il n'y a aucun point commun que je puisse avoir, moi, juifs d'Europe centrale avec Afalacha par exemple, c'est totalement stupide. Le sionisme a inventé la langue, puisqu'il y avait des langues juives, le yiddish, le judéo-arabe, le ladino et tout, mais il n'y avait pas la langue hébraïque, l'hébreu, qui était la langue religieuse, a été ressuscité pour, en gros, effacer tout ce qui pouvait être les langues de la diaspora que j'ai citées. Et le sionisme a inventé la terre, parce que l'État juif ne s'est pas construit en Pologne, en Ukraine, où vivait la majorité des juifs, ou en Allemagne après le nazisme, il s'est construit en Palestine, et il s'est construit en expulsant un peuple qui n'avait strictement rien à voir avec l'antisémitisme et avec la persécution. Donc c'est vraiment une idéologie qui est très particulière. Et puis d'un point de vue juif, le sionisme c'est une gigantesque mystification et manipulation de la mémoire, de l'histoire et des identités juives. Alors de l'histoire, comme je suis chez les libertaires, vous savez toutes et tous que la Bible est évidemment un livre de légende, comme l'Iliade et l'Odyssée, que les plus grands archéologues israéliens ont dit Abraham, Moïse, ça n'a pas existé, il n'y a pas la moindre trace archéologique d'une arrivée quelconque de population de Mésopotamie vers la Palestine. Il n'y a pas la moindre trace d'une entrée ou d'une sortie d'Égypte à l'époque présumée de Moïse. D'ailleurs, la Bible, là-dedans se trouve, elle parle de peuples qui apparaîtront dans la région des siècles et des siècles après le moment où l'histoire devrait se produire. Il n'y a pas eu ça, heureusement, parce que les colons israéliens aujourd'hui s'appuient sur la Bible et s'appuient particulièrement sur l'apologie du nettoyage ethnique qu'on trouve dans la Bible et qui est la conquête sanglante de Canaan par Josué. Quand on lit ce passage-là, le livre de Josué, c'est une série de massacres épouvantables. Josué arrive, massacre tous les impies, mais comme il en reste encore, il va massacrer la ville d'à côté. C'est une histoire sans fin de boucherie. Il n'y a pas la moindre trace de cette guerre-là. Les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho. Il n'y a même pas la moindre trace de ce que les sionistes ont prétendu ressusciter, le royaume unifié de Salomon et David, et ceux de ma génération. En sixième, on apprenait par cœur le plan du temple de Jérusalem de Salomon. À l'époque de Salomon, Jérusalem était un petit village de l'âge de fer de 800 habitants. Il n'y a eu ni temple ni reine de Saba, ni royaume unifié. La première trace historique dit bien qu'il y a eu deux royaumes, mais probablement deux royaumes bien séparés, qui était le royaume d'Israël au nord, détruit par les Assyriens, et le royaume de Juda au sud, détruit par les Babyloniens. Et la Bible, finalement, a été écrite probablement en grande majorité pendant l'exil des Juifs à Babylone. Donc si je raconte tout ça, c'est parce que on est complètement dans la méta-histoire aujourd'hui. Si vous voyagez en Cisjordanie, la trace des villes palestiniennes a disparu, elles ne sont même pas sur les panneaux indicateurs où on ne évoque que les noms des colonies quand on est sur les routes de contournement. Et tous les noms des colonies ont des splendides noms bibliques, Élie, Éphrate, Chevet Shomron, etc. Des noms repris dans la Bible, sauf que toute cette histoire est complètement fantasmée et n'a strictement aucune historicité. Et quand on va plus loin, les sionistes ont mythifié l'idée que quand Titus détruit le deuxième temple de Jérusalem, des millions, disent-ils, de juifs partent et se répandent dans l'Empire romain, et c'est le début de la diaspora. Là encore, Shlomo Sand a fait des recherches, il n'y a pas la moindre trace d'un exode quelconque, et par contre, il y avait déjà depuis bien longtemps des communautés juives à Babylone, à Alexandrie, à Rome, en Gaule, on trouve des synagogues jusqu'au mur d'Adrien, ou en Turquie, ou tout ce qu'on veut, et donc en fait, c'est la religion juive qui s'est dispersée, ce n'est pas le peuple. Il y a eu une partie non négligeable de la société de l'Empire romain qui s'est convertie au judaïsme, qui après est revenue au christianisme, est venue au christianisme quand le christianisme est devenu religion officielle. Mais très en gros, les juifs sont très majoritairement des descendants de convertis, et même souvent de convertis tardifs, les Khazars qui sont un peu les ancêtres des juifs d'Europe orientale, qui sont des Slaves et des Turcs, ou les Berbères, les Juifs d'Afrique du Nord sont très majoritairement des Berbères. Et puis, il n'y a pas eu d'exil, c'est la base de la théorie sioniste, il n'y a pas eu de retour, et les descendants des Judéens ou des Hébreux de l'Antiquité sont assez clairement majoritairement les Palestiniens. Donc on est en pleine folie, on est en pleine méta-histoire. Et si on ne comprend pas qu'une partie de cette histoire tragique et coloniale est basée sur une histoire qui a été refaite, on ne comprend pas l'adhésion assez massive des juifs, qu'ils soient israéliens ou autres, au sionisme. Je vais un petit peu aborder d'autres aspects du sionisme qui sont extrêmement importants, un petit peu que j'ai classé dans mon livre par thème. Par exemple, je me suis posé la question des rapports du sionisme avec la religion et avec le monde arabe. Avec la religion chrétienne, il y a un rapport. Il est assez probable que le sionisme est une invention chrétienne, et plus précisément une invention protestante. Que quand le protestantisme apparaît surtout dans les pays anglo-saxons, que la Bible devient un peu le livre de chevet et tout, on voit que les conquérants anglo-saxons, ceux qui vont faire les grands massacres en Australie, en Afrique du Sud et surtout en Amérique du Nord, ils sont complètement imbibés de la Bible. Ils ont l'impression, quand ils massacrent les Amérindiens, de refaire le coup de la conquête de Canaan par Josué. Ils donnent à leur ville, à leur campement et tout, des noms bibliques, Bethesda, Bethléem, vous allez aux États-Unis, il y en a plein et tout. Et c'est dans ce monde anglo-saxon que va naître assez rapidement un courant qui s'appelle le courant chrétien sioniste. Alors ce courant chrétien sioniste existe aujourd'hui, ce sont des millions de personnes aux États-Unis, ils ont une influence politique et surtout financière extrêmement importante. Pour ces chrétiens sionistes, le mal, Armageddon, ce sont les Arabes. Et les juifs, alors la vision qu'ils ont du juif est une vision du juif imaginaire, telle qu'ils peuvent l'avoir dans la Bible, c'est pas du tout le juif réel tel qu'il peut exister, mais les juifs doivent retourner en Terre Sainte, chasser le mal, donc Armageddon, et bien évidemment après il faudra qu'ils se convertissent, parce que ces gens-là sont des apocalyptiques. Et donc le résultat, c'est que ces chrétiens sionistes ont donné des milliards de dollars à la colonisation, ces chrétiens sionistes sont antisémites, et donc il faut le savoir, la colonisation a été plus que majoritairement financée par des antisémites. Ils ont donné beaucoup plus d'argent que les juifs américains là-dedans. Dans le rapport des juifs au monde arabe, il y a aujourd'hui une tentative des sionistes d'expliquer que la persécution des juifs, c'est le monde arabe, c'est pas l'Europe. Et ça, ça tient évidemment historiquement absolument pas. C'est le christianisme qui a inventé l'antijudaïsme dès le IVe siècle après Jésus-Christ. L'antijudaïsme, ça a été des expulsions, des spoliations. Alors les expulsions, il y en a eu plein, de France, de Provence. La plus grande, c'est bien sûr l'expulsion d'Espagne de 1492. Ce sont des pogroms, ça commence à l'époque des croisades, et les plus graves auront lieu en Ukraine et en Biélorussie et tout. Ce sont les stéréotypes racistes, le peuple déicide, la volonté de dominer le monde... C'est les crimes rituels, le protocole des sages de sang, tout ça c'est l'antijudaïsme chrétien. Et lui a succédé en Europe l'antisémitisme racial, qui a été en gros l'idée que les juifs étaient un obstacle à la création des états ethniquement purs. Donc c'est pour ça que l'antisémitisme va être idéologiquement totalement dominant, en gros de 1850 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans le monde arabe, qu'est-ce qui s'est passé ? Les juifs avaient, comme les autres peuples dits du livre, le statut de dhimmi, de protégé. Alors c'est pas la citoyenneté, c'est toujours appliqué en Iran. Les juifs s'auto-organisent, il y a 35 000 juifs en Iran, ils s'auto-organisent, ils ont un député, bon, c'est pas la joie, de temps en temps il y a des persécutions, tout, mais enfin ils voyagent, ils sortent librement, ça n'a strictement rien à voir avec la situation de persécution que les juifs ont pu subir ailleurs. Dans tous les écrits sionistes aujourd'hui, on essaie d'expliquer que les Arabes et les musulmans ont persécuté les juifs. Cette idée ne tient pas. Avant le sionisme, il n'y a rien eu. Et même après le sionisme, Gilbert Achkar a écrit un très bon livre que je vous conseille, qui s'appelle « Les Arabes et la Shoah », et qui montre que, à part une grande exception qui a été le grand moufti de Jérusalem, Al-Husseini, il n'y a pratiquement pas eu d'élite arabe qui a collaboré avec les antisémites et avec les nazis dans le cas de Al-Husseini, en tout cas infiniment moins qu'en Europe, c'est évident. J'ai étudié les rapports du sionisme avec le colonialisme et avec le fascisme. Avec le colonialisme sioniste avait dès le départ une volonté qui était négationniste. Le peuple palestinien n'existe pas. Il y a maintenant des livres qui s'écrivent en Israël sur la non-existence des Palestiniens. On dit que ce sont des populations composites, amenées là par les Ottomans, mais qu'il n'y a pas de peuple. Donc évidemment, c'est le mythe une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc c'est bien l'idée qu'on a eu raison, il n'y avait pas de peuple et aujourd'hui on peut le faire. Et le colonialisme tel qu'il s'est installé, il est quand même très particulier. Des dizaines d'années avant la création de l'État d'Israël, toutes les institutions étaient là. Le KKL, le Fonds National Juif, celui qui prend la terre aux Palestiniens pour la donner aux Juifs, il est fondé en 1901. Et nous faisons ici, notamment à Marseille, régulièrement des manifestations contre le KKL. C'est le KKL qui est à la pointe aujourd'hui de l'expulsion des Bédouins de leur propre terre dans le Negev. La Banque coloniale juive, ça ne s'invente pas, c'est aussi des années 1900. L'agence juive, celle qui a distribué des terres qui ne lui appartenaient pas à tous les immigrants, c'est 1928, et la Histadrut, le syndicat, c'est 1920. Donc on peut dire que ce colonialisme-là, il a créé les institutions avant de créer l'État, mais les révoltes palestiniennes qui vont éclater dès 1929 contre l'arrivée des sionistes, c'est bien parce que les Palestiniens ont très rapidement compris que cette immigration-là n'avait qu'un seul but, c'était les expulser et leur prendre leur pays. J'ai regardé aussi... sionisme et fascisme. Et malheureusement, il y a des choses à dire. Malheureusement, il y a des choses à dire. Le courant qui est aujourd'hui au pouvoir en Israël, le courant révisionniste, donc ce sont les disciples de Jabotinsky. Jabotinsky, qui a vécu, milité dans les années 1920-1940, se définissait lui-même comme sioniste révisionniste. C'est lui qui est à l'origine de la théorie du transfert. Et il avait vécu en Italie, il était un grand admirateur de Mussolini, et le transfert des Palestiniens, c'était quelque part, il l'avait appris de ce que Mussolini avait fait avec les Éthiopiens lors des guerres d'Éthiopie. Il y a pire, très rapidement, dans les années 30, apparaissent des groupes terroristes de l'extrême droite sioniste, mais des gens qui vont devenir après des premiers ministres, l'Irgun de Menachem Begin, qui sera plus tard premier ministre, le groupe Stern d'Yitzhak Shamir, qui sera lui aussi plus tard Premier ministre, et par exemple Yitzhak Shamir était ce qu'on peut appeler un collabo. Yitzhak Shamir a assassiné des soldats britanniques jusqu'au début de 1943, alors qu'il y a déjà des millions de morts juifs en Europe, et j'appelle ça un collabo. Ben Gurion lui-même, censé représenter la gauche sioniste majoritaire, en 1933 a établi le fameux accord de Havara avec l'Allemagne nazie, et il s'est prononcé, il a rompu le blocus que les juifs américains avaient décrété contre l'Allemagne dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et il expliquait que son intérêt, c'était qu'un maximum de juifs, allemands surtout, viennent en Palestine, en Israël. Et donc, ce que j'ai expliqué, ce courant-là n'a jamais lutté contre le sionisme, contre l'antisémitisme, il s'en est servi. Il y a même pire, quand on relit ce que j'ai fait récemment, Hannah Arendt, ça a été écrit il y a 40 ans, Eichmann à Jérusalem. Hannah Arendt écrit que sans les directions sionistes des communautés des ghettos d'Europe orientale, la moitié des 6 millions de morts auraient survécu. Le cas le plus épouvantable étant celui de Kassner, qui dirigeait la communauté juive hongroise de Budapest. Quand Eichmann arrive à Budapest alors que la guerre est déjà perdue pour les nazis, la décision est prise de déporter tous les juifs hongrois, c'est compliqué. Il rencontre Kassner et en gros l'échange va être 1600 juifs, principalement des dirigeants sionistes qui partiront en Palestine. Et Kassner en échange donne 400 000 noms qui seront gazés à Auschwitz. Kassner a été assassiné en Israël en 1957 et son assassin a été acquitté. Mais ça dit quand même quelque part que l'idée que le projet sioniste était avant tout un projet d'État juif, indépendamment de tout le reste, que la lutte contre le fascisme, la lutte contre l'antisémitisme n'était pas leur objectif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des sionistes qui ont été résistants, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des sionistes à visage humain, mais cette idéologie-là, fondamentalement, son but et son projet étaient un projet de séparation et n'était pas un but ou un projet de lutte antiraciste ou antifasciste. Donc voilà, dans le livre, vous aurez, je m'arrête là un petit peu sur le sionisme, c'est vrai que ça a été un petit peu ma marque de fabrique, et c'est surtout là-dessus que j'ai essentiellement fait des conférences, que je dis aujourd'hui, sans une rupture avec le sionisme ou un passage au post-sionisme, il ne peut pas y avoir de paix. Dans peut-être l'erreur d'Arafat au moment de la signature des accords d'Oslo, c'est d'avoir méconnu complètement ce qu'était l'idéologie sioniste, d'avoir pensé qu'on pouvait faire la paix des braves avec eux. Et j'ai eu la chance un petit peu de rencontrer dans mes différents voyages en Palestine des dirigeants palestiniens. J'avais rencontré le professeur Agazarian, qui est un Palestinien d'origine arménienne, qui a participé aux premières discussions avec les Israéliens avant les accords d'Oslo. Il a commencé par me dire le problème c'est le sionisme, avec eux on ne peut pas arriver à un accord. Il disait nous on est des orientaux, quand on négocie, on établit un climat de confiance et après on signe les accords. Avec les sionistes, c'est on est en désaccord, on va discuter de l'heure d'ouverture du prochain checkpoint. Et en fait, toutes les négociations se sont faites là-dessus. Mais Agazarian, sur tout ce qu'il disait, c'est les sionistes ont peur de ne plus avoir peur. C'est-à-dire que fondamentalement, cette idéologie est une idéologie qui repose sur la peur, qui repose sur des mensonges aujourd'hui qui sont « nous n'avons pas de partenaire pour la paix »,« Arafat est un nouvel Hitler », qui sont ce qu'on appelle le complexe de Masada. Masada, c'est cette citadelle qui domine la mer Morte, où en 73 après Jésus-Christ, les derniers juifs révoltés, qui étaient un peu idéologiquement les ancêtres des colons, ont préféré le suicide à la reddition. Et aujourd'hui, on emmène les petits Israéliens sur la citadelle de Masada et écrit face à la mer Morte, « Romain, tu ne mourras pas, Romain, je préfère la mort à la reddition ». Et c'est l'esprit aujourd'hui qui anime les sionistes, qu'ils soient israéliens ou autres. Si nous discutons, si nous négocions, c'est la fin. Entre autres, le sionisme est totalement arc-bouté sur l'idée d'État juif. C'est-à-dire, si nous n'avons pas un État juif, c'est terminé. Or là, même Shlomo Sand, qui ne se dit pas anti-sioniste et qui est pour deux États, il a ces paroles remarquables, il dit « État juif et démocratique, c'est une contradiction ». Il dit « Imaginez que la France se définisse comme un État gallo-catholique, tout le monde comprendrait tout de suite ce que ça voudrait dire, et ça voudrait dire bien sûr l'exclusion pour tous ceux qui ne répondent pas à ce critère. Et donc dans un État juif, les Palestiniens, quel que soit leur statut, qu'ils soient soi-disant citoyens d'Israël ou qui viennent des territoires occupés, ils n'auront jamais aucun droit ou aucune identité. » Donc bon, entre libertaires, on n'est pas tellement pour l'existence des États, mais si jamais il doit y en avoir, surtout pas d'État basé sur des considérations ethniques, religieuses ou communautaires. Et à la base de la barbarie qu'on a là-bas, il y a la notion d'État juif. À aucun moment, Israël ne s'est construit comme l'État de tous ses citoyens. Et si c'était construit comme l'État de tous ses citoyens, ce ne serait plus Israël et ça n'aurait plus rien à voir avec ce qui s'est passé. Donc il faut bien avoir dans cette idée-là la paix. Ce n'est pas les juifs à la mer, la paix c'est l'égalité des droits. Et l'égalité des droits, ça supposera pas d'État juif, un ou plusieurs ou zéro État de tous leurs citoyens, ça voudra dire une égalité politique, ça voudra dire un respect du droit international. Et là je vais terminer un petit peu là-dessus. Cette guerre-là, si elle dure, elle dure à cause de l'attitude des dirigeants du monde entier. Alors, quand je dis du monde entier, ne pas oublier que même la guerre de 48, où les Palestiniens ont été expulsés de leur propre pays, l'armée israélienne l'a gagnée avec des armes tchèques ou russes. C'est-à-dire que même à l'époque, ils ont été aidés aussi bien par l'Occident que par l'URSS et ses satellites. C'est après qu'a eu lieu la rupture avec le bloc de l'Est. Mais l'attitude des Occidentaux vis-à-vis d'Israël, elle est criminelle à plein de points de vue. D'abord, ne pensez jamais que les dirigeants occidentaux soutiennent les dirigeants israéliens pour des raisons de culpabilité. C'est absolument faux. D'ailleurs, ils n'ont tellement pas la culpabilité que à tout moment, ils se sont défaussés de l'antisémitisme européen sur le dos des Palestiniens. Même Balfour, celui qui va créer le foyer juif, qui va offrir la Palestine aux Juifs, alors qu'à l'époque de la déclaration Balfour en 1917, il y a moins de 10% de la population de la région qui est juive. Balfour était un antisémite anglais, très opposé aux Juifs, décrit comme des révolutionnaires et tout. et Balfour considéraient que les Juifs étaient des Asiatiques inassimilables en Europe, mais que si on les envoyait en Palestine, ils devenaient des Européens colonisateurs. Mais ça, c'est le renversement qui va se dérouler après 1945. Après 1945, il y a quelques centaines de milliers de rescapés du Yiddishland, des rescapés des camps, leur monde dans lequel ils vivaient, cette grande région entre Baltique et Mer Noire, où il y avait plusieurs millions de Juifs qui vivaient là, 11 millions, et dont la moitié sont morts. Ils cherchent des visas pour les États-Unis, le Danemark, la France, l'Angleterre. On leur refuse tout. Et en gros, en 1945, on leur dit, il n'y a qu'une seule destination pour vous, c'est Israël. C'est-à-dire qu'en gros, l'Occident n'a pas dit aux Juifs, on regrette, on a été dégueulasse avec vous, maintenant on vous offre l'égalité des droits. L'Occident a dit, vous nous avez fait chier pendant 15 siècles avec votre problème, maintenant vous avez un pays, vous dégagez quand vous voulez. Ça, j'appelle pas ça du philosémitisme. Donc voilà, n'ayez jamais la moindre illusion sur une culpabilité quelconque de l'Occident vis-à-vis des Juifs. Vis-à-vis d'Israël, c'est encore bien pire. Je reprendrai les paroles de Eyal Sivan, qui est un cinéaste israélien anticolonialiste. Et Eyal disait, ce n'est pas parce qu'ils sont mal informés que tous les dirigeants occidentaux soutiennent Israël, c'est parce que cet État surarmé, dépensant plus de la moitié de son budget dans les armes et les technologies de pointe, c'est l'État rêvé de tous les dirigeants capitalistes. Et aujourd'hui, il y a une complémentarité totale entre les économies occidentales et israéliennes. Israël est devenu une tête de pont occidentale et européenne au Proche-Orient. Même, ne pensez pas, par exemple, qu'Israël dépend des États-Unis. Les États-Unis dépendent autant maintenant d'Israël. Bien sûr, les États-Unis donnent à Israël les avions F-18, mais sans la technologie israélienne, les avions F-18 ne voleraient pas. Il y a une complémentarité totale aujourd'hui entre les deux, et c'est même la direction sioniste qui peut dicter sa loi aux dirigeants américains. Pour tous ceux, j'espère qu'il n'y en a pas ici, qui avaient des illusions sur Obama, j'ai la satisfaction dans mon bouquin d'avoir une brève qui est écrite trois jours après son élection de 2008, qui s'appelle « Obama, what else ?» et où j'annonce ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'entre autres, sur la question palestinienne, il pliera, comme tous les autres ont plié, parce que c'est dans l'ordre des choses, d'une compréhension des rapports de force de ce monde. Donc aujourd'hui, je terminerai par là, je trouve que les libertaires, vous n'êtes pas toujours suffisamment engagés sur cette question Palestine-Israël, qui est, à mon avis, une question totalement centrale, qui a pour moi la même centralité pour nous autres citoyens français qu'a pu avoir en son temps la guerre d'Algérie ou plus tard la guerre du Vietnam. Et je trouve que toutes les contradictions, notamment une contradiction fondamentale qu'on a dans notre société, la question du racisme, la question de l'égalité des droits, elle est totalement dans cette guerre-là, et que quelque part c'est tout à fait complémentaire et tout. Donc voilà, comme les sociétés, nos dirigeants ne sanctionneront jamais Israël, pour que vous ayez la dernière en date, en dehors des propos de Prasquet, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, a reçu il y a 5 ou 6 jours un colloque dans les locaux de l'Assemblée nationale, avec un colloque sur l'antisémitisme, avec le BNVCA, Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme, qui est une officine d'extrême droite dirigée par un commissaire à la retraite qui s'appelle Samy Gozlan, et avec la LDJ, qui est une organisation terroriste, la Ligue de Défense Juive, et qui est même interdite en Israël et aux États-Unis. Et nos dirigeants reçoivent ces gens-là et en font des interlocuteurs, comme ils font des interlocuteurs du CRIF, comme ils reçoivent en triomphe le moindre dirigeant israélien qui vient là et tout. Donc, les dirigeants ne foutent rien, alors vous faites. Et je vous dis, faire aujourd'hui, c'est le boycott des investissements sanctions, parce que vous répondez à l'appel de la société palestinienne. Cet appel, il est sur trois revendications qui ne parlent pas des conneries, l'ONU, un État, deux États et tout. Les trois revendications, c'est quoi? C'est l'égalité des droits, fin de l'occupation et de la colonisation, droit autour des réfugiés. Ce sont sur ces revendications-là qu'est parti l'appel boycott des investissements sanctions. Rejoignez-le, popularisez-le, enfin, dites-vous que cette guerre-là, c'est la nôtre, quoi. Pour les tours de parole, vous faites un signe, je vous note, et puis après, vous patientez, parce que s'il y a beaucoup qui veulent parler. Donc, une là-bas, et après, c'est pas mal. Mais c'était une question, parce que je vous avais dit un truc à un moment donné, je ne sais pas si j'ai bien compris, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, vous disiez que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y aurait eu un juif choix du nom Kastner. Kastner, qui a... collaboré. Collaboré en échange du droit de faire s'installer 1600 sionistes en Israël, et qu'en échange de ça, il aurait livré des centaines de milliers de noms de juifs qui ont été du coup... Il faut... je conseille là-dessus de lire Hannah Arendt, parce que c'est, avant que j'écrive ça, elle a écrit ça il y a 40 ans, mais l'affaire Kastner est assez connue. Simplement, je veux dire, il n'est pas tout à fait seul. C'est-à-dire qu'en France, ça c'est Maurice Reichwitz. Maurice Reichwitz, je pense que vous connaissez. On l'a invité ici. Bon, Reichwitz, qui donc lui-même, qui est un rescapé de la rafle du Belleville, et ses parents ont été pris et sont morts à Auschwitz et tout. Reichwitz explique bien comment en France... le régime de Pétain avait créé l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, et comment l'UGIF a d'abord tranquillement donné des listings des Juifs étrangers, on commence par là, et puis même à la fin, ils ont fini par donner leur listing tout court. C'est-à-dire qu'ils se sentaient tellement français qu'ils pensaient que le régime du maréchal Pétain ne pouvait rien leur faire. Or, c'est assez curieux de savoir que le dirigeant de l'UGIF qui a fait ça, il s'appelait Bohr, son fils, Charles Bohr, a été le président de droite de la région Picardie, qui était une des quatre régions où la droite avait fait alliance avec le Front National. Donc, quelque part, c'est pas tel père, tel fils, mais quand même un peu, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est juif qu'on est automatiquement antifasciste et tout. Alors, moi, il est évident que je me réclame d'un judaïsme qui est celui de la MOI de mes parents, où je me réclame d'un judaïsme qui est celui de Abraham Sarfati, qui a été militant anticolonialiste 17 ans dans les geôles de Hassan II au Maroc. Je me réclame d'un judaïsme qui est celui d'Henri Curiel, qui a été anticolonialiste en Égypte, puis en France, porteur de valises et assassiné par les barbousses de la police française et tout. Mais, Pierre Goldman et tout. Mais je veux dire que s'il est évident que pour des raisons historiques, un assez grand nombre de juifs se sont retrouvés dans des tas de mouvements d'extrême gauche, pratiquement au moment de la révolution russe, tous les mouvements, la moitié du comité central du parti bolchevique était juif, mais chez les anarchistes, Voline, d'accord, et chez les socialistes révolutionnaires, Dora Kaplan, tout ce qu'on veut, c'était pas un hasard. Et puis après, dans les démocraties populaires, ce n'était pas un hasard. C'est pas parce qu'il y a eu, pour des raisons historiques compréhensibles, énormément de juifs qui se sont engagés pour des causes nobles. Ce n'est pas parce que l'écrasante majorité des juifs savaient que les nazis étaient un ennemi avec lequel on ne pouvait pas pactiser, qu'il n'y a pas eu le contraire. Et ce qui s'est passé de totalement dramatique, c'est que une des choses qui a énormément facilité le génocide de masse, ça a été la collaboration des Judenrat, des conseils. Si vous lisez l'histoire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, de Marek Edelman qui en a été son survivant et tout, le premier jour de l'insurrection du ghetto de Varsovie, les insurgés massacrent, heureusement, une centaine de membres de Judenrat, et après, ils peuvent administrer le ghetto et résister et tout. C'est-à-dire que dans le ghetto, il y avait des gens qui non seulement faisaient la police, mais espéraient vainement, parce que là où ça a eu lieu, on a vu les gens du Judenrat jusqu'au bout donner les noms de ceux qui partaient dans les wagons, puis partir aussi. Quand on lit cette histoire, elle est folle dingue de tous les côtés. Mais voilà, dire qu'il y a eu des juifs collaborateurs qui ont espéré, vainement même pour certains, sauver leur peau en collaborant avec les nazis, en allant jusqu'à donner des noms, des vies et tout, c'est une réalité connue de longue date. Qui a un petit rapport avec le sionisme en ce qui concerne Kastner, c'est que Kastner était sioniste et que ce sont essentiellement des militants sionistes qu'il a échangés contre les noms à Budapest. Et je me demandais, excusez-moi, si le sionisme, ça n'allait pas perdre tout court avec la religion judaïque. Alors, je vous arrête tout de suite, j'aurais dû en parler. C'est, dans mon livre, il y a tout un chapitre sur la religion. Les fondateurs du sionisme étaient non-croyants. Herzl n'était pas croyant, son fils n'était pas circoncis. Ben Gurion, non seulement il n'était pas croyant, mais il avait une haine terrible contre les rabbins, qu'il considérait comme étant l'arriération totale. Et Herzl a essayé, lisez le dernier livre de Shlomo Sand qui l'explique bien, il a essayé d'avoir les religieux avec lui. Une des raisons du choix de la Palestine, plutôt que l'Argentine ou Madagascar, c'était d'avoir les religieux. Or, Il y a une pétition de la quasi-totalité des grands rabbins d'Allemagne et d'Europe centrale contre le sionisme et contre Herzl. Et tous les grands dirigeants religieux étaient contre le sionisme. C'est-à-dire que le sionisme s'est construit à la fois en opposition au judaïsme laïque socialiste révolutionnaire, qui était hégémonique en Europe de l'Est, et au judaïsme religieux des Haredi. Il s'est construit en opposition avec les deux. Donc il faut véritablement le voir sous cette forme-là. Alors, aujourd'hui, vous écoutez la radio, vous voyez les colons religieux. C'est un phénomène récent. Le sionisme a 115 ans d'âge, et le ralliement des religieux au sionisme date de 1967. C'est la conquête de la Cisjordanie, et surtout de Jérusalem et du mur des Lamentations, qui a fait que les religieux qui jusque-là étaient totalement indifférents à la terre, ils étaient dans leur yeshiva, dans leurs écoles religieuses, ils se foutaient du reste, brutalement, il y a eu l'explosion d'un courant messianique perverti, qu'on appelle en Israël le courant national religieux. Ils ont pris, c'est même la gauche qui est responsable de ça, comme ils avaient décidé de coloniser la Cisjordanie, comme ils n'avaient pas le personnel politique pour le faire, ils sont allés chercher le seul petit courant religieux qui était sioniste. C'était les disciples du rabbin Cook. Le rabbin Cook, c'était un vieux rabbin lituanien qui était mort depuis longtemps. Mais c'était le seul tout petit courant religieux qui était sioniste. Et c'est les disciples du rabbin Cook qui ont inauguré la colonisation de la Cisjordanie. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de fous de Dieu qui expliquent Dieu a donné cette terre au peuple juif. Avec eux, évidemment, il n'y aura pas de négociation. Mais ne vous trompez pas, le sionisme a été créé par des laïcs et même par des athées. Et les religieux, au départ, n'étaient pas sionistes. C'est une fusion tardive. Donc j'ai envie de dire, les religions ont compliqué cette guerre. Si vous pensez qu'elles sont à l'origine de cette guerre, vous faites erreur totale, y compris que ce soit du côté juif ou du côté musulman. D'accord ? Le sionisme, je répète, c'est un projet qui date de 1890. Le ralliement des religieux au sionisme, c'est 1967. Ne nous trompons pas. Et tout le projet, il était prêt d'avance. Stéphane. J'ai une précision sur le sionisme. J'ai vu qu'il y a un moment, dans le moment où le sionisme s'est constitué, ce qu'on appelait le sionisme apolitique ou le sionisme culturel. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai un peu vu, apparemment, c'est un sionisme anti-étatique. Hein, ce qu'on appelait le sionisme culturel. Est-ce que tu peux avoir des précisions là-dessus? Il y a eu, au départ, les choses sont très multiples. Il y a même eu, ce que je peux dire au départ, un sionisme à visage humain. Si on regarde Ahad Haram, c'était pas son vrai nom, c'était un juif russe, mais c'était le nom hébraïque qu'il avait pris. Il était pour une coexistence pacifique avec les Palestiniens. Et par exemple, ce qu'on ignore, c'est que la fondation de l'État d'Israël, c'est 48, mais en 46, il y a des élections dans le Yishuv, donc dans la population juive qui vit en Palestine, qui est à l'époque de 500 000 personnes, et les partisans d'un État binational, donc d'une cohabitation avec les Palestiniens, ont 45 ou 46% des voix. Et donc, je ne dirais pas que l'écrasante majorité des Juifs qui sont partis en Palestine étaient des colons avec le couteau entre les dents, prêts à expulser les Palestiniens. Mais par contre, dans ce courant qui était pour un État binational, on trouvait des personnalités éminentes comme Martin Buber, peut-être vous avez entendu parler, ou comme Anna Arendt, qui n'était pas israélienne mais qui soutenait ce courant de l'extérieur et tout, comme Magnès aussi, Judah Magnès, qui c'est des juifs allemands, tout ça, des philosophes et tout. Mais justement, ce qui se passe, c'est que ces sionistes qui étaient allés là-bas sans être des colons, il y en a eu plein, hein, Léopold Trepper, il a passé des années à faire des grèves en Palestine avant de retourner en Europe, donc il y a eu des tas de juifs qui se sont établis là-bas, absolument pas comme des colons. Il y avait des grèves où les ouvriers juifs faisaient grève avec les ouvriers palestiniens dans les années 20, donc tous n'étaient pas des colons. Ce courant va totalement voler en éclat face au projet politique. C'est-à-dire que dès que la guerre commence, il y a les sionistes qui ont déjà depuis 40 ans leur banque, leur armée. L'armée, elle existe depuis 40 ans, elle a été formée par les Anglais, elle a déjà servi pendant l'insurrection palestinienne de 36. Ils ont déjà leurs syndicats, ils ont déjà toutes leurs infrastructures et tout. Donc le courant sioniste naïf ou pacifique, il va totalement voler en éclats et puis il ne va même pas survivre après. Donc ça a existé, ça n'a pas tous été des colons barbares, mais il y avait un projet colon barbare qui était là et qui a été hégémonique rapidement. Je l'ai comparé avec ce qui s'est passé en Algérie. En Algérie, il y avait des députés communistes, il y avait des députés socialistes, il y avait toute une partie de la population pieds noirs ou juive en Algérie qui votait à gauche. Et puis, quand la guerre a commencé, ça vole en éclats. On voit des quartiers où il y avait des députés communistes, massivement, la population devient OAS. C'est-à-dire que, voilà, c'est la compréhension du phénomène colonial, qu'il ne résiste pas à la tension qui est voulue par les colonialistes. Bonsoir. Je voulais vous demander... Tout à l'heure, vous disiez que on n'a pas créé Israël par le fait, les dirigeants, par la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est obligé de s'auto-censurer quand on veut parler d'Israël, de la Palestine, ou même de critiquer ne serait-ce que le sionisme, parce que effectivement, il y a des rabbins anti-sionistes, il y a des gens de religion juive anti-sionistes, qui n'a rien à voir du tout avec la Torah, le sionisme, absolument. Au contraire. Comment on est arrivé à cette pensée unique, un peu fascisante, tout à fait. Qui nous interdit ne serait-ce que d'échanger, peut-être même... Bon, je vais exagérer, on pourrait avoir le bêtard qui vient nous casser la gueule, là, maintenant. À Marseille, on n'en a pas, hein, de la chance. On a ni bêtard, ni LDJ à Marseille, on a de la chance. Quand on a fait le départ... Oui, mais il venait de Paris. Il venait de Paris. C'était la LDJ de Paris. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a cette... si ce n'est pas les dirigeants, pourquoi les citoyens sont arrivés à s'auto-censurer pour parler d'une guerre dont tout le monde refuse, ou pourquoi on pourrait critiquer les Chinois vis-à-vis des Tibétains, mais pas les Israéliens vis-à-vis des Palestiniens. C'est... Je dirais même les Israélites plutôt que les Israéliens, puisque ne sont pas tous les Israéliens. Il y a des Israéliens qui manifestent tous les jours la vie, il se passe des mouvements dont on ne parle jamais. On a un agent du Mossad qui s'est fait suicider. Israël interdit aux médias internationaux de. Comment on en est arrivé là? Ce que j'ai dit, c'est que le sionisme, d'un point de vue juif, est une gigantesque manipulation de l'histoire, de la mémoire et des identités. Mais du point de vue de tout le monde, quelque part, ça a arrangé tout le monde de dire les juifs égale Israël. Parce que quelque part, c'est arrangeant. Et nous, par exemple, l'IJFP, on a très très rarement la parole dans les médias, parce que les médias, finalement, ça les arrange totalement de dire bah, les Arabes ils sont pro-palestiniens, les Juifs ils sont pro-israéliens, et on range les gens là-dedans, et surtout n'importez pas le conflit et tout, c'est quelque chose qui est arrangeant. Je crois que là il y a une véritable lutte contre l'imposture qui est à mener. Je dirais que quand on tient les propos que je tiens, si on n'est pas juif, on est instantanément traité d'antisémite, mais je vous rassure, moi, parce que je suis en relation par mail régulière avec des sionistes, je suis traité de, quand ils sont de bonne humeur, de traîtres ayant la haine de soi, et que sinon de juifs nazis ou de juifs antisémites. Par ailleurs, ce que je veux dire quand même, c'est que, je vous ai lu tout à l'heure Prasquet, contre Stéphane Hessel, qui quand même était juif. Bon, on a eu à l'UJFP trois membres d'honneur qui sont morts. Parce qu'avant Stéphane Hessel, on a eu Pierre Vidal-Naquet et Raymond Aubrac. Donc, on comprend bien que nous, on fait partie de gens qui lisent le judaïsme. C'est Hessel, c'est Aubrac, c'est Pierre Vidal-Naquet. Je raconte souvent l'anecdote de... En 1948, Menachem Begin visite les États-Unis. C'est l'année, donc il vient de commettre le massacre de Deir Yassin, qui est le plus grand crime de guerre commis pendant la guerre. Et les plus grands intellectuels juifs américains, Einstein et Hannah Arendt, disent... Begin arrive, c'est un terroriste, arrêtez-le ou expulsez-le. Donc, nous, dans notre idée, clairement, le judaïsme, c'est Einstein et Arendt, c'est pas Begin. Et voilà, je veux dire qu'il y a eu un retournement qui est complètement odieux, quoi, qui est dans ce retournement odieux pour les gens. Le judaïsme, c'est en France, BHL, Adler, Finkielkraut, ou Arnaud Klarsfeld, et c'est en Israël, à Victor Lieberman, qui est un compatriote, puisqu'il est moldave comme moi d'origine, comme on dit. On arrive à quelque chose où je crois qu'il ne faut pas se laisser intimider. Alors peut-être une des façons de ne pas se faire intimider, c'est de dire, la politique israélienne et le sionisme sont criminels vis-à-vis des Palestiniens, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais, y compris quand on le dit aux sionistes, mais sont totalement suicidaires pour les Israéliens, même pour les Juifs, au niveau de l'histoire. Et ça, j'ai discuté avec des sionistes, on a des grands blancs quand on leur dit ça, parce qu'ils le savent. Ils le savent qu'au niveau de l'histoire, ils sont embringués dans ce qui est décrit dans le complexe de Masada. On préfère la mort à la discussion ou à quelque chose qui soit de l'ordre du compromis raisonnable et tout. Donc je crois qu'il ne faut pas se laisser intimider. Et par exemple, donner à Prasquer et à tous ces crétins la propriété du génocide, c'est, moi je dirais, moi comme fils de rescapé, c'est tuer deux fois, mais il est disparu. Hein. Je veux dire qu'au nom de quoi leur disparition ou leur martyre serait payée parce qu'on inflige aux Palestiniens. Je veux dire, c'est quelque part les tuer deux fois. Donc il y a ce côté qui est totalement insupportable, qu'au nom d'un crime totalement réel, on se permet d'en créer un autre. Et l'autre, donc l'instrumentalisation du génocide, elle est ignoble, d'autant que j'ai expliqué que l'idéologie sioniste a quand même des responsabilités non négligeables. Parce que je vous ai dit que l'essentiel du fric qui est arrivé pour la colonisation vient d'antisémites qui s'appellent les chrétiens sionistes, c'est quand même grave. Quand je peux vous dire, je peux en rajouter une louche, aujourd'hui, c'est la haine du musulman qui a remplacé la haine du juif. Alors le résultat, c'est que l'extrême droite européenne, les Autrichiens, la Strache et le néo-nazi, qui a 30% des voix aux élections, les Flamands, là, de Winter, le Hollandais Valdez, ils sont tous allés en visite organisée en Israël, reçus à la Knesset par Avigdor Lieberman, visitant Yad Vashem, le musée du génocide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens qui ont fait leur un peu plus que leur commerce, qui sont les descendants de ceux qui ont fait le grand massacre, du moment que les Juifs sont en Israël, ça ne leur pose pas de problème. Donc quelque part, je crois que vis-à-vis de l'instrumentalisation que les sionistes font du génocide, il faut tout leur balancer à la gueule. La visite de ces gens-là, la politique suicidaire, le passé extrêmement trouble du sionisme vis-à-vis du fascisme, voilà, il faut tout leur balancer à la gueule. Annick. Oui. Attends. Une question très pratique. Sur les revendications qu'on peut faire maintenant, il y en a une dont je me demande justement si elle est praticable, c'est le retour de tous les réfugiés. Comment vous le voyez? Parce qu'avec l'explosion démographique et puis les nouveaux immigrants en Israël, comment ça peut se faire pratiquement sans expulser d'autres? Alors il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que si on est pour le droit aux réfugiés, c'est difficile d'être pour deux États sur la base de 78% pour les uns et 22% pour les Palestiniens, parce qu'on voit mal le retour des réfugiés dans un machin qui serait 22% de la Palestine. Alors ce que je veux dire, c'est que le droit des réfugiés, c'est un droit. C'est-à-dire que ça, c'est un désaccord que j'ai avec Shlomo Sand, qui est contre ce droit. C'est imprescriptif, parce que nier le droit au retour des réfugiés, c'est nier le crime fondateur. Donc ce droit, il est absolu. Puis, quelque part, je veux dire, quand vous allez dans les camps, bon, moi je ne connais que les camps de Cisjordanie, mais j'en connais quelques-uns quand même, et les gens, instantanément, ils vous disent, je suis de là, ils citent la ville ou le village où ils sont partis, il y a même, quand vous êtes à Al-Walaja, ils sont dans la banlieue de Bethléem, et il y a l'ex-ligne verte qui passe au pied de leur village, et de l'autre côté, ils voient leur ancien village qui a été rasé. Donc quelque part, enlever aux Palestiniens ce droit-là, c'est nier ce qu'on leur a fait. C'est pas possible. Alors, quand le droit est reconnu, on sait que le droit ne voudra pas dire que tous les gens retourneront. Ben, y a ceux qui voudront retourner, il y a ceux qui ne voudront pas retourner parce que leur vie c'est faite et tout. Alors, entre parenthèses, parmi ceux qui, bien sûr, voudront retourner, il y a ceux qui vivent dans des conditions exécrables du fait qu'ils sont réfugiés. Je pense en particulier aux réfugiés au Liban, et là, les États arabes ont un rôle assez écœurant, soit dans tous les crimes qu'ils ont commis contre les Palestiniens, je pense à la Syrie notamment ou à la Jordanie, mais aussi de la façon dont ils traitent les réfugiés palestiniens. Il y a des gens qui voudront rentrer parce que la vie, même à la quatrième génération de réfugiés, est infernale. Et puis bon, j'étais au Forum social mondial sur la Palestine au Brésil il y a deux mois. Il y a plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui ont fait leur vie en Amérique latine. Ben, ils auront le droit, mais ils ne rentreront pas. Donc, c'est un droit. C'est un droit. En plus, je ne vois pas au nom de quoi des tas de juifs ou de gens qui ne sont même pas des juifs, comme un tiers de l'émigration soviétique, ou comme des tas de gens qui trouvent que finalement cette histoire israélienne, elle est sympathique, qu'on peut s'y identifier, qui se convertissent et qui émigrent, je ne vois pas au nom de quoi eux pourraient venir et les autres pas. Alors, est-ce que dans ce pays où il y a déjà 12 millions d'habitants et une moitié qui est un désert, il y a la possibilité de loger plus de monde? Oui, pour l'instant, oui. Enfin, oui, sur l'entièreté d'Israël-Palestine. Non sur les 22% qui ont été donnés royalement, enfin, qui avaient échappé aux Israéliens en 1948. J'ai noté ton tour. C'est pas, il y a quelqu'un avant. Moi, ce n'est pas une question que je voulais poser, parce que c'est d'accord totalement avec ce que tu as dit. Ce n'est même pas un compliment, c'est une illustration. Et c'est surtout sur la partie de la collaboration, la coopération, je ne sais pas comment on peut dire ça, franco-israélo-états-unien, je ne sais pas dans quel ordre ça se passe. C'est le cas de Georges Ibrahim Abdallah. Là, c'est typique, c'est symbolique. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. J'espère. J'espère. Sinon, il faut se mettre au courant et essayer de mobiliser là-dessus. Parce que c'est effarant. C'est un militant communiste révolutionnaire libanais et aussi militant du mouvement palestinien, puisqu'il était au SKLP. Il est en tôle actuellement à Lannemezan en France depuis 29 ans. C'est quasiment le plus ancien militant politique de France. Et tout ça parce que chaque fois qu'il doit sortir, il y a une intervention des États-Unis, d'Israël, etc. Et là, c'est déjà. Valls. La dernière, c'est Valls. Rendons à Valls. La dernière est tendue effectivement à Valls, puisque le ministère de la Justice a accepté sa libération. Mais à condition qu'il soit expulsé vers le Liban, ce que souhaite d'ailleurs Georges, pour faire entrer au Liban. Et le dossier pour être cette expulsion, c'est Valls qui décide. Et pour l'instant, le dossier, il est depuis tout le mois chez Valls. Et alors, tout ça, d'ailleurs, il y a un ennemi qui explique que. Vraiment, comment ça s'est passé? C'est un préfet qui s'appelle Yves Bonnet. Il a donné un interview et il raconte qu'effectivement, c'est impensable, enfin, vous trouvez ça, tout ça sur Internet, hein, c'est impensable que Georges soit en prison. Il est plus maltraité qu'un serial killer alors qu'il a commis des actes politiques. Il rappelle. Qu'on a été plus gentil avec Maurice Papon et l'assassin de Chapour Biakhtar. Et quand on lui demande si c'est une vengeance d'État, il dit oui, c'est une vengeance d'État. C'est Paris qui refuse par rapport à ses alliés. C'est pas un révolutionnaire qui dit ça. Il était député jeune que. Donc c'est un cas très important et malheureusement c'est vrai que. Le jugement est relevé le 21 mars pour savoir si. Ouais. On a des gens qui. On se retrouve très seul. Alors, il y a des collectifs auxquels participent justement l'Union juive française pour la paix, les militants, etc. Mais on ne représente grand chose, surtout que, évidemment, les grands partis de gauche, ils sont liés avec les. Je reconnais quand même qu'il y a des libertaires, notamment dans les collectifs à Toulouse, etc. Mais ce qu'on vous demande, c'est chaque fois que vous pouvez intervenir sur cette affaire, parce que la pression de l'opinion, je pense, est très importante vis-à-vis de l'État français et de son ministre de l'Intérieur. Jean ? Bonjour. C'est très simple. Il me semble que juifs et palestiniens sont tous deux des sémites. Et c'est pour ça que je ne comprends pas toujours. Lorsqu'un homme dit « je suis juif », ce qu'il veut dire. Écoutez, tout à l'heure, j'ai dit que, je vous ai dit, les juifs sont très majoritairement des descendants de convertis, c'est-à-dire, j'ai dit, pour les juifs européens d'origine khazar, donc turc et surtout slave, pour les juifs d'Afrique du Nord, origine berbère. Non, mais les juifs du Moyen-Orient sont des sémites. Non, alors d'abord. Attendez. Je réfute complètement la classification extrêmement dangereuse qui s'est faite au XIXe siècle, une seconde. Au XIXe siècle, à l'époque de Gobineau, qui est quand même un petit peu l'ancêtre idéologique du nazisme, il y a une classification en race, donc je fais partie très clairement des gens pour qui les races n'existent pas. Sémites, c'est une famille de langues, d'accord ? C'est une famille de peuples dans la lointaine antiquité. Mais encore une fois, les Palestiniens sont très majoritairement, ce que j'ai expliqué, les descendants des Hébreux, parce qu'il n'y a pas de traces de déplacement de population. Et donc la population qui était les Judéens à l'époque romaine, elle a été, qui était majoritairement de religion juive, mais pas uniquement, parce que la Bible au moins dit de juifs, c'est qu'à toute période, il y a eu des peuples et des religions différentes qui ont cohabité sur place. Cette population est devenue majoritairement chrétienne après la destruction du temple, puis majoritairement musulmane après l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Donc, les Palestiniens, sémites, si vous voulez, ce sont les descendants des habitants de la région et tout. Bon. Les Juifs sont les descendants divers. Encore une fois, je n'ai pas le type moyen-oriental. Donc, le terme antisémite, c'est le terme de nos ennemis. Moi, je répète que les sémites en tant que peuple, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe plus depuis très très longtemps. Donc, je sais très bien qu'aujourd'hui, mes camarades arabes, quand je fais des conférences, ils disent « Mais vous êtes sémites comme nous, pourquoi ce délire ?» etc. Je dis « Ne rentrez pas, à aucun prix, dans cette classification qui a fait des millions de morts et qui est une classification raciale et raciste et qui n'a pas de sens. » Donc, ne rentrez jamais là-dedans. Les choses sont assez claires. Après, il y a des questions culturelles. Donc, il s'est formé des cultures juives. Je vous ai dit, je réfute l'existence d'un peuple juif et je fais mienne le titre d'un des deux livres de Shlomo-San qui s'appelle « Comment le peuple juif fut inventé ». Et Shlomo-San explique très bien qu'il n'y a pas deux peuples juifs, il y a eu des peuples juifs. Mais évidemment, par exemple, en ce qui me concerne, le peuple yiddish, qui c'est ces millions d'habitants qui formaient 10% de la population entre Baltique et Mer Noire, ils n'étaient absolument pas descendants des Hébreux de l'Antiquité. Il y a même aujourd'hui des tarés de l'ADN qui s'acharnent là-dessus. Et on s'aperçoit que l'ADN moyen d'un Ashkenaz ressemble à plutôt des caractères caucasiens, donc ça confirmerait les ascendances khazars, et absolument pas des caractères moyen-orientaux. Donc on arrête avec ces classifications qui ont fait suffisamment de millions de morts, on reste, alors, sur les langues, après ça, évidemment l'hébreu et l'arabe sont des langues très voisines, évidemment, de temps en temps, les rares mots d'hébreu que je connais, si c'est le mot arabe correspondant, je le comprends, mais... on peut parler de langue sémitique, on est bien d'accord, mais pas de peuple sémitique, ça n'a pas de sens. Toi ? Oui, une précision, une question. La précision, c'est sur Georges Ibrahim Abdallah, justement, parce que tu soulignais que c'était tantôt les États-Unis, tantôt les Israéliens. Là, ce n'est pas les Israéliens qui sont portés partie civile, c'est seulement les États-Unis. Et Valls veut faire plaisir aux États-Unis, comme il a cherché à faire plaisir aux Espagnols et à beaucoup d'autres demandeurs d'expulsion. Je crois que la question qui est posée, justement, pour Georges Ibrahim Abdallah, et ça rejoindra la question que je te poserai tout à l'heure, c'est d'avoir le maximum d'organisations, de groupes de pression qui puissent être sensibilisés à cette question de sa libération et du fait que le ministère de l'Intérieur veuille bien le laisser partir au Liban. Ma question, c'est sur le boycott des investissements sanctions. Quel est l'état, est-ce qu'on est en capacité maintenant de savoir précisément quel est l'état des soutiens en termes d'organisation politique, syndicale, associative, par rapport à ce BDS, et où est-ce qu'il faudrait travailler en substance pour améliorer les choses? Alors c'est vrai que le BDS, bon, d'autres en parleraient plus facilement que moi, mais c'est plus le boycott est quelque chose de culturel dans un certain nombre de pays anglo-saxons ou de pays nordiques, et il est beaucoup plus difficilement en France. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, BDS ? Boycott des investissements sanctions. D'accord. Donc ce BDS, il a un succès. Fais-le passer à ceux qui ne l'ont pas eu. Le BDS a remporté beaucoup plus de succès En Angleterre, où c'est carrément des sections syndicales entières, aux États-Unis, où on a par exemple des conseils d'université qui décident de couper tous les liens universitaires avec les universités israéliennes. Alors, ça s'appelle le boycott académique, et ils le font d'autant plus qu'en Israël même, il y a une association anticolonialiste qui prône le boycott de l'intérieur, et dont un des animateurs, Neve Gordon, a dit « Je suis pour le boycott, c'est la seule façon de sauver mon pays ». Donc, ce boycott, il prend beaucoup plus dans ces pays où il y a les syndicats, dans les pays où il y a des conseils d'université, ou dans les pays où il y a des personnalités, genre Ken Loach et tout, qui se sont prononcés pour. En France, c'est beaucoup plus frileux, et je dirais même, on a un autre problème avec le mouvement de solidarité en France, c'est qu'une partie du mouvement de solidarité n'est pas pour le boycott total, voudrait faire que le boycott des colonies, ce qui n'est ni politiquement juste, ni pratiquement réalisable, qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais le boycott, faudrait quand même pas délégitimer Israël, que la Nakba n'était pas légitime, donc il n'y a rien à faire. Le boycott, justement, il a pour but de délégitimer Israël, il a pour but de mettre les Israéliens dans la situation où les Sud-Africains se sont retrouvés. Et je rappelle pour mémoire que ce qui a été l'élément déterminant du changement en Afrique du Sud, ça a été l'expulsion de l'Afrique du Sud des Jeux Olympiques. Et donc, quelque part, par exemple, le boycott sportif, aujourd'hui, c'est très important. Donc, on n'a pas eu de chance. L'équipe de France s'est fait éliminer de l'Euro Espoir par la Norvège. Mais bon, malgré tout, il faudra se mobiliser pour que... Il y a eu notamment des manifestations auprès de Michel Platini et tout pour essayer d'empêcher la tenue de l'Euro Espoir en salon. Chaque année, on a une réunion annuelle, la dernière a eu lieu à Bordeaux il y a un mois et demi, de BDS France, où on examine toutes les formes de boycott qui sont possibles, et donc on se spécialise dans certains boycotts. Bon, moi, ça, par exemple, je suis pour le boycott syndical. Bon, bah, mon syndicat, dont tu fais aussi partie, et nous étions au même congrès, la FSU, pour la première fois, dans sa motion sur la Palestine, a mis une référence au tribunal Russell. Pour la première fois, il y a le mot apartheid, et pour la première fois, il y a le mot BDS. Alors, on a déposé l'amendement qui s'engage dans le mouvement BDS France, donc dans des actions concrètes. Ça a été refusé, mais bon, on ira pas à pas. Mais voilà, il y a le boycott syndical pour ceux qui se sentent là-dessus, le boycott académique, le boycott culturel, le boycott sportif, et puis le boycott de tous les jours sur les produits et tout. Il faut tout faire, quoi. Mais je le reconnais, c'est plus difficile en France qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis ou qu'en Suède, c'est carrément les syndicats de dockers et tout, c'est beaucoup plus fort. Oui, moi je voulais te poser une question sur... Il y a une confusion depuis plusieurs années sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Mm-hmm. Et puis il y a une humanisation de ce cas. Je voulais que tu développes un petit peu, parce que je ne sais pas trop où ça en est. Parce qu'on n'entend plus parler, mais enfin je trouve très grave que donc il y a cette confusion pour la nouvelle génération qui, je crois, enfin moi il y a une nouvelle génération qui méconnaît totalement le problème de l'antisionisme. Alors, c'est, bon, moi, tu as compris clairement que je suis juif antisioniste et qu'évidemment, non seulement pas juif antisémite, mais quelque part descendant de cette histoire, enfin rattaché au judaïsme par cette histoire-là. Il y a un excellent canard qui est là-bas, qui s'appelle CQFD, dont dans le numéro de janvier où je suis interviewé, il m'a carrément posé la question inverse. Il m'a dit, est-ce que pour toi, quelque part, le sionisme n'est pas antisémite? Alors j'ai dit, en tout cas, pour moi, le sionisme est anti-juif. Et la toute première conférence que j'avais faite à Nil Babor, j'avais dit, pour construire l'Israélien nouveau, il a fallu détruire le juif. Et je le pense vraiment. C'est-à-dire que je crois que le sionisme et Israël se sont construits contre, en captant une image complètement falsifiée du judaïsme, ils se sont construits contre le judaïsme. Alors, après, d'où viennent évidemment les confusions dont tu parles? Elles viennent des deux côtés. Elles viennent d'un côté du fait que le CRIF et toutes les officines d'extrême droite dont j'ai parlé, le BNVCA, la MDJ et tout, pour eux, ou des salopards qui autrefois, je prends un type comme Taguieff. Taguieff, on a pu croire il y a 25 ans que c'était un mec bien pour parler du Front National. Taguieff, c'est pire que tout. Bon. Il y a toute une série de pseudo-intellectuels pour qui toute critique d'Israël est antisémite. Donc, évidemment, on comprend bien que, et ils font pression en permanence, et le résultat, ça a été le colloque de Claude Bartolone à l'Assemblée nationale, où on invite carrément ces officines d'extrême droite. Le thème du colloque, c'est lutter contre l'antisémitisme, et les intervenants au colloque, c'est le BNVCA et c'est la LDJ. Donc, du côté sioniste, on a totalement intérêt, et c'est en permanence, et quand on regarde ce qu'ils ont raconté sur SL, c'est toute critique d'Israël est antisémite. Donc on comprend bien que les injures qui sont déversées sur SL dès le départ, c'est à partir du moment où il a pris le parti des Palestiniens, c'est un antisémite, alors que SL est juif, il était à Buchenwald, il était résistant, etc. Donc il y a une espèce d'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs, elle vient aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que je ne nie pas, et il y a un demi-chapitre de mon livre qui en parle, qu'il y a des antisémites infiltrés dans le combat pour la Palestine. Il y a quelques-uns célèbres. Hein, Dieudonné, quand il intitule son parti « Parti antisioniste », Dieudonné est clairement antisémite. Dieudonné, dès 2001, expliquait que la traite des Noirs avait été financée par des banquiers juifs. Pour quiconque connaît l'histoire de l'antisémitisme, c'est le béaba, j'ai envie de dire, du stéréotype antisémite et tout. Mais il n'est pas le seul. Israël Shamir, qui est un Israélien converti à la religion orthodoxe, a sorti des tas de textes sur le protocole de sa gestion est vrai et sur la volonté des Juifs de dominer le monde. Donc ça existe aussi. Et donc, dès le moment où il y a en toute petite minorité des gens qui prétendent mener le combat contre le sionisme et qui en fait mènent le combat contre les Juifs, on comprend qu'il y a confusion. Donc voilà, nous au milieu, je vous propose une autre optique. C'est le sionisme qui est anti-juif. C'est-à-dire, je vous propose comme optique de défense comme ça, c'est le sionisme qui a. Le sionisme a détruit l'image universelle du juif. Je veux dire qu'il y a 50 ans, l'image du juif, c'était Einstein, Hannah Arendt, Rosa Luxembourg ou Trotsky ou tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, c'est Lieberman ou BHL. Donc je veux dire que dans cette destruction d'image, il y a un côté pour moi qui est anti-juif là-dedans. Justement, par rapport à toutes ces histoires de confusion, désolé de revenir là-dessus, mais la question continue de me trotter, donc c'est que j'ai mal posé la question tout à l'heure, parce que je sais bien que le sionisme, c'est un projet politique, mais la question que je me pose, c'est par rapport au fondement des pseudo-textes religieux, parce que moi, la religion, c'est pas du tout. Enfin, les religions, c'est pas du tout. Voilà mon truc, sinon je serais pas là, de toute façon. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que dans toutes les religions, il y a toujours, comme je disais, un fondement fasciste, à savoir, il y a toujours un soi-disant pseudo-prophète qui vient énoncer la vérité à laquelle les gens doivent se rattacher et pas une autre, et sinon, voilà, les autres ne comptent pas. Donc ça fonctionne toujours sur l'exclusion. Et à partir de là, moi, dans l'image que je me fais du judaïsme, il y aurait une idée, si c'est pas une image falsifiée, justement, je viens de vous le dire, il y aurait cette idée qu'il devrait, soi-disant, dès le départ, énoncé dans la Bible, y avoir un retour à la terre promise. C'est une invention, ça ? Alors, c'est pas plus qu'une invention, c'est que Shlomo Sand, qui, comme moi, est un juif athée et tout, mais il a deux chapitres dans son dernier bouquin, Comment la terre d'Israël fut inventée, où c'est même l'inverse, c'est-à-dire que dans le Talmud, et dans la religion juive, le Talmud est plus important que la Torah. Dans le Talmud, il y a une interdiction. C'est-à-dire que revenir en Terre Sainte avant l'arrivée du Messie est un péché. C'est-à-dire, le sionisme s'est construit, je l'ai dit, contre les juifs laïcs progressistes révolutionnaires et contre les juifs religieux. C'est-à-dire, ces deux... Laïque, c'est une religion. Non, la moitié des 6 millions de morts étaient athées. D'accord ? Ma famille qui a été exterminée n'était pas croyante. Mais c'est pas une religion. Et Einstein était athée, et Freud était athée, et s'ils n'étaient pas juifs, qu'est-ce qu'ils étaient ? D'accord. Le judaïsme, à la base, c'est une religion. C'est quand même d'accord. C'est la seule religion qui se réclame. Donc il y a une religion juive, mais quand on parle des juifs, que les fondateurs du sionisme étaient athées. D'accord ? Oui, mais le sionisme, c'est un projet politique, par contre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que juif égale religion, je ne suis pas d'accord. Donc, À l'UGFP, alors, ben, je vais te dire. À l'UGFP, quand on avait ce genre de discussion. À l'UGFP, quand on avait ce genre de discussion, on savait que ça allait venir loin. Alors, moi, j'ai quand même réussi à donner une définition. Je dirais juifs, ce sont des peuples ayant une communauté de destin liée à la religion. Il y a un peuple juif yiddish, un peuple juif ladino, un peuple juif judéo-arabe, un peuple juif falacha, et qu'ils ont une communauté de destin quelque part qui a été liée à la religion. Il n'y a pas de peuple juif en tant que tel, et juif ce n'est pas une religion, je le répète, la moitié des 6 millions de morts n'étaient pas croyants, ce n'est pas une race non plus. Donc les sionistes ou les nazis, voilà, c'est la question. Il y a des peuples qui ont une communauté de destin liée à une religion. On ne peut pas le répéter autrement. D'accord ? Voilà. Je vous donne ma définition, je n'arrive pas à en donner une autre aussi simple. Après, de même qu'il y a des peuples, il y a des cultures. Tiens, souvent on me demande, toi tu es athée, tu es anti-sioniste, et donc en quoi tu es juif ? Ben, moi j'y peux rien. Il y a une cuisine, il y a de la musique du ghetto, il y a des textes, des odeurs, où il y a des souvenirs, des lieux où ont vécu mes ancêtres et tout, qui me transportent à un moment et qui ne vous transporteront pas parce que ce n'est pas votre histoire. Et ça, c'est un phénomène culturel. Il y a des cultures, là, incontestablement, une culture yiddish et une culture yiddish laïque qui est restée et qui a subsisté. Maintenant, je réfute totalement toute espèce d'idée que le judaïsme est une race ou que le judaïsme est une religion. Ce n'est pas... Ça, je dis justement... Race et religion, c'est le sionisme qui voudrait faire ces définitions-là. Mais en faisant ces définitions-là, on n'a plus ni Spinoza, ni Einstein, ni Freud, ni Kafka. Il y a beaucoup de monde quand même qu'on n'a plus. Hein. Je veux dire que tout ce qui a été la figure du juif, elle disparaît. Elle ne correspond plus à aucune de ces définitions-là. Donc à ce moment-là, ce n'est pas juif, c'est plutôt deux cultures juives. Comme il y a deux cultures. Au pluriel, cultures juives, voilà. Voilà. On peut dire ça. Voilà. Une culture polythéiste, ou je sais quoi. Jacques. Oui, mais c'est à propos justement de la définition du peuple, enfin des peuples juifs, etc. Effectivement, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus, sur l'ADN. Moi, je bosse sur l'ADN, mais pas sur les populations. Mais justement, il y a deux, trois articles qui m'avaient frappé. J'ai jamais poussé très loin. J'en ai un, j'y comprends donc pas grand-chose, mais si tu me donnes ton nez, je te l'enverrai. Je comprends les aspects techniques. Les aspects historiques, j'en ai un qui explique en gros que l'ADN moyen des Ashkénazes est plutôt de type caucasien. Oui, mais justement, ce qui est très très clair par contre, c'est que aux États-Unis, ils ont fait une étude où on prend l'ADN de juifs ashkénazes qui vivent aux États-Unis et de non-juifs qui vivent au même endroit, et sur base de l'ADN, on peut les discriminer, mais d'une façon extrêmement marquante. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment une formule mathématique, tous les juifs viennent à gauche et tous les autres viennent à droite. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et extrêmement dangereux, évidemment. Ça ne s'applique pas qu'aux juifs, on a fait la même chose en Europe. On peut identifier sur base de l'ADN, séparer les Français, certainement... Enfin, donc c'est des choses extrêmement dangereuses. Je suis d'accord. Mais donc, il faut faire attention à un certain discours qui était, par exemple, celui de Jacquard, de Lewontin, de Stephen Jay Gould, qui disait que, somme toute, il n'existe pas de race parce qu'il n'est pas possible de discriminer les gens sur base de leur génome. C'est faux. Ce discours a été invalidé. Aujourd'hui, il est invalidé. Et je crois qu'on doit prendre conscience du fait qu'il n'est plus valide parce que le fait de le manipuler peut être extrêmement dangereux. Attends, juste pour rebondir, alors quand on dit qu'il n'y a plus de race, c'est pas vrai ou il faut trouver un autre nom? Alors, le nom, enfin le fait d'appeler race, ethnie, etc., déjà je pense qu'il y a un glissement sémantique pour être politiquement correct, on n'ose plus utiliser le mot race, mais les mêmes gens utilisent le terme ethnie, qu'on disait à différents. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il y a effectivement un continuum, des mélanges de populations extrêmement fréquents, etc., mais il n'est pas vrai qu'il n'est pas possible, selon les raisons-là, il n'est pas vrai qu'il n'est pas possible de discriminer les gens sur base de leur ADN. Ce n'est plus vrai. On appelle ça race ou autrement, j'en sais rien. À vous là-bas. C'est c'est à vous. Moi, je voulais plus sur la question de l'engagement des Français, je ne sais pas ce que vous dire Français, mais enfin les droits non démarqués, sur l'absence de militantisme pour le droit des Palestiniens. Est-ce que la question coloniale et la question de l'islamophobie, disons, n'est pas une raison qui fait que, ou la question de l'anti-religion peut-être, fait que les gens ne vont pas soutenir ou ne fricotent pas, on va dire, avec des gens qui peut-être auraient un teint un peu arabe sur la question de Palestine, donc ne veulent pas militer pour les droits des Palestiniens. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire là aussi? Bah, Véronique, je pense un peu la même chose. C'est-à-dire, bah, ce qui m'avait très particulièrement choqué, c'est on a été quelques poignées à lancer les premières manifestations au moment de Pont-Durcy. Et on a eu la satisfaction que aux militants habituels, on finit par un peu tous se connaître. La poignée de militants habituels qui militent sur la Palestine, dès les premières manifestations qu'on a lancées, on a vu la population du nord de Marseille, donc dans toute sa diversité, arriver, et les syndicats suivre, et les partis suivre, et puis très rapidement, on a vu, qu'est-ce que c'est ils ont des slogans en arabe, on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce qu'ils disent, et puis là, est-ce qu'ils n'ont pas crié à la Akbar et tout. Bon, et je crois qu'il y a, cette... cette incapacité, parce que la capacité, elle se retrouve après en Palestine, c'est-à-dire de prendre les gens comme ils sont. Et si je traduis, par exemple, en Palestine sur cette question-là, j'ai fait la manifestation d'entrée du Forum social mondial d'éducation à Ramallah. Bah, dans la manifestation, il y a des femmes voilées, il y a des femmes habillées à l'européenne, il y a des militants politiques d'extrême gauche, il y a des militants visiblement beaucoup plus identitaires et tout. Et je crois que dans une situation coloniale ou post-coloniale, c'est une réalité incontournable, qu'il faut la prendre telle qu'elle. Et je vous rassure, quand je fais des discours devant des publics majoritairement issus de l'immigration, et heureusement sur la Palestine, il y en a beaucoup qui viennent, ils ont le même discours sur la Bible dévoilée, la non-existence d'Abraham et de Moïse, c'est dans le Coran. Et voilà. Donc je pense qu'il faut avoir une approche totalement absente de toute espèce de préjugé colonial sur cette question-là. Qu'au contraire, je trouve qu'à travers la question palestinienne, toutes les questions de l'inégalité flagrante de notre société, du fait qu'un tiers du prolétariat ici est d'origine immigrée, donc d'origine coloniale ou post-coloniale, c'est une réalité qui traverse la question française et la question palestinienne. Et donc, souvent, le public d'origine maghrébine retrouve un petit peu des éléments de leur propre histoire coloniale, y compris des propres gigantesques loupés de leur histoire coloniale aussi, à travers l'histoire de la Palestine. Donc, je suis d'accord avec ça. Quoi. Stéphane. Oui, c'est à propos de la race et de l'antiracisme. Effectivement, il faut faire attention entre les discriminants d'anthropologie physique ou biologique, c'est-à-dire des êtres humains, mais des individus, qui soient fourmis, oiseaux, etc., et le problème de la réalité, c'est-à-dire d'un territoire et d'une histoire. Et justement, le problème de l'antiracisme, il est, comme tu l'as pointé, un point fondamental, c'est que c'est un antiracisme uniciste. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on est tous les mêmes, donc on est tous les mêmes, on ne peut pas être raciste. Mais le problème, il n'est pas là. Je veux dire, c'est parce qu'on peut être différent qu'on ne doit pas être raciste. Je veux dire, et qu'on est dans l'antiracisme. Oui. C'est pas parce qu'il y a une même race. Et ça, effectivement. Ça recoupe le débat précédent. Certains anthropologues ou archéologues l'ont pointé, parce que je veux dire, effectivement, dès lors que. Et ça commence à arriver depuis des années. Dès lors que dans l'ADN, on peut tracer l'histoire des. Bon, voilà, en l'occurrence, des êtres humains, on dit, ben voilà, la différence, elle existe. Et comment on se retrouve? Et si on se voit plus loin dans la préhistoire, les différences entre Homo erectus, habilis, etc., c'était qui les humains, pas les humains? Et on fait quoi? On avait le droit de tuer, donc? Effectivement, c'est très dangereux, ce truc-là. Et souvent pour ça, et c'est toutes les questions d'identité. Ça aussi, enfin, nous, en tant que commissaires libertaires aussi, ça nous interpellait. On n'a pas d'identité. On a des histoires. Et c'est que comme ça, je pense, dans le discours, on peut avoir des contre-discours. Parce que identité, effectivement, tu fermes, tu dis je suis là, et donc, par effet miroir, tu dis tu te construis en tant que jeu identitaire. Et donc, tu as des réflexes, effectivement, d'exclusion, de rejet, etc. Mais si tu dis j'ai une histoire, dès lors, tu casses tout. C'est-à-dire que l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a la transformation. Tu es de ci, tu es d'Ukraine, de là ou d'autre chose. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est d'avoir une histoire. Parce que le problème des identitaires, je veux dire, à la fois, bon, l'État dit avoir l'identité, mais ceux qui de progressistes, de gauche, je ne sais pas comment les appeler, ils sont tous dans ce même discours-là. Et c'est là, et on ne s'en sort plus. Effectivement, le discours, enfin, au moins le discours libertaire, c'est de casser ces problèmes-là, de distiller comme d'anthropologie physique, de biologie, et ce problème d'identité. On n'a pas d'identité, on a une histoire. Parce qu'en plus, ça relève l'histoire du monde. La préhistoire est au-delà de ça. Donc là, pour nous, on peut être tranquille là-dessus. Mais il faudra des contre-discours de ce type-là, je suppose. Moi, je reviens aussi sur ce que vous étiez en train de dire, ainsi que monsieur. Est-ce qu'on peut parler de culture, de famille par exemple aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai un type pas du tout caucasien, je suis berbère, on me prend par exemple souvent pour, on me croit arabe, mais je ne suis pas du tout arabe, je suis berbère, je n'ai rien à voir avec la langue arabe, ni avec l'histoire arabe. D'ailleurs, si je remonte loin, notre société qui était matriarcale de la reine Kaina était juive elle-même. Et d'époque en époque, pendant l'époque arabo-andalou, on se convertissait au christianisme. Après, quand les juifs étaient au pouvoir, on se convertissait au judaïsme. Après, on se convertissait à l'islam, et ainsi de suite. Et ça changeait en fonction de qui était au pouvoir. Mais c'est vrai que l'idée de ces mythes, pour moi, c'est une culture. C'est comme si je me sens... ben, un peu cousine avec le juif qui d'ailleurs était là en Palestine avant que Londres s'y mêle et que l'Europe décide de créer l'État israélien. Les juifs ne sont pas arrivés quand on a créé Israël. Il y avait des Palestiniens d'origine juive, de religion juive. Il y avait des chrétiens et il y avait des musulmans. Donc ça cohabitait tous ensemble. Moi, ça me fait un petit peu peur d'être dans la censure, de dire il faut plus utiliser race, parce que race, le mot lui-même est un concept qui veut signifier une chose ou un sentiment ou une émotion. Les mots sont que des concepts. Et c'est vrai que, par exemple, quand on prend le dictionnaire Larousse dans les années 60, Larousse, dans le Larousse, il y a le mot sémite qui est personne de race berbère, juif et arabe. Et par contre, quand on va antisémite, racisme envers le peuple juif. Ça, c'est le mot des années. Cela dit, M. Larousse, si les commissions d'épuration avaient bien fonctionné en 1945, bon, c'est un autre débat. Juste une anecdote, la définition d'anarchiste dans l'édition Larousse de 1894, c'était fauteur de troubles. On inculque ça, on éduque. Ce que je veux dire quand même, moi je suis pour l'égalité des droits, je préfère ne pas... Je pense que justement, l'antiracisme, c'est l'acceptation de... C'est pas seulement l'acceptation des différences, c'est l'idée qu'on s'enrichit dans les différences et pas dans l'affrontement des différences. Donc, pour moi, c'est assez clair là-dessus. Après, je crois que dans cette guerre-là, la question des identités, elle est fondamentale. Alors, je prends par exemple l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. S'il est évident que les Juifs d'Afrique du Nord sont berbères, ou tu parlais très justement de la Kaïna. Moi, j'ai eu des élèves qui s'appelaient Kaïna et qui ne savaient pas que la Kaïna était très probablement une reine juive, ou qui ne savaient pas que Tariq, Jebel al-Tariq, était un juif berbère converti à l'islam, voilà, l'Espagne aussi. Mais je trouve que ce serait très important aujourd'hui pour les Juifs originaires d'Afrique du Nord que cette identité berbère sorte. C'est-à-dire que c'est parce que on les a coupés de leur histoire, de leurs racines, de leur culture, de leur langue, de leur musique et tout, qu'on en a fait des sionistes qui, y compris ici, viennent nous parler du génocide alors qu'ils ont une histoire douloureuse, qui est celle du décret Crémieux, qui est celle de... Ils n'étaient pas des colonisateurs, ils ont pu partir avec les colonisateurs, et qui est donc une toute autre histoire, qui, si celle-là surgissait et était vécue et pouvait être débattue et tout... on sortirait de la connerie sioniste. Bon. Après, ce que tu as dit sur les juifs palestiniens n'est pas tout à fait exact. Hein. Il y a eu en Palestine, en gros, entre le 4e siècle après Jésus-Christ et l'arrivée des premiers juifs religieux, c'est vers 1780-1800, 3%, 4% de la population palestinienne était juive, c'est moins qu'en Égypte, qu'en Irak ou qu'en Syrie, on prend des pays voisins, et qu'en Iran, qu'en Perse. Et après, ça monte un tout petit peu, il y a un certain nombre de juifs religieux venus du Maroc et surtout de Pologne qui s'établissent en Palestine dans le 19e siècle, mais au tournant, à l'arrivée des premiers colons vers 1890-1900, c'est 4-5% de la population palestinienne qui est juive, pas plus. Et même au moment de la déclaration Balfour, c'est 10%, pas plus. Donc c'était évident de toute façon que ce n'était pas... à aucun moment, il n'y avait aucune justification de faire là un État juif. Et les juifs palestiniens étaient contre le sionisme. Et le premier assassinat politique commis par les sionistes en Israël contre un juif, c'est contre un juif palestinien qui protestait contre la déclaration Balfour. Tout à l'heure, tu as parlé de la culpabilité, de la possibilité. Et ça me fait simplement penser à une question que je me suis posée cet été, en étant en voyage, en République tchèque, Pologne, Ukraine, donc des endroits où il y a eu des juifs depuis longtemps. Pardon, un peu plus fort. Ah, je crois pas, c'est bon, alors, donc plein d'endroits où il y a eu beaucoup de juifs par le passé, depuis longtemps, quoi. 10% de la population en Pologne. Voilà. Et bon, outre le fait qu'on est allé faire un petit tour à Auschwitz, mais on a aussi visité des tas de petits villages, des tas de petites villes où la communauté juive était importante et où à l'heure actuelle, il n'y a strictement plus. Il n'y en a plus aucun. Et au fur et à mesure, on a eu le sentiment, à chaque fois, tout le long, que tout le monde s'en foutait. Vraiment. S'en foutait. Les lieux, bon bah oui, bien sûr, Auschwitz, bon, c'est visité, etc., c'est autre chose, mais des tas d'autres lieux qui sont évidemment pas connus et puis qui relèvent pas forcément de la Shoah, hein, même qui sont beaucoup plus vieux. Enfin, non, tu as parlé des pogroms, ça datait pas d'hier. Et donc des endroits où bah, c'était très flanqué, il restait des petites maisons ou des petits symboles ou des choses comme ça, mais bon, sans plus. Voilà, vraiment, enfin, c'était un sentiment que visiblement tout le monde s'en foutait. Et moi, je me suis demandé un petit peu pourquoi, à partir de là, pourquoi les juifs s'en sont pris plein la gueule au cours des siècles. Et comme du coup, là, on est en train de parler. Pour commencer, ma mère ne disait pas les Roumains ou les Polonais, elle disait les pogromistes. Bon. Et en Pologne, enfin, j'ai dit un petit peu, vers 1880, dans l'Empire russe qui va jusqu'à Varsovie, qui comprend les Pays-Bas, qui comprend tout l'est de la Pologne, 60 à 70% des Juifs du monde entier vivent dans un seul pays, qui est l'Empire russe. Et l'antisémitisme est devenu une politique d'État. Les pogroms sont organisés par les ministres et par la police et tout. En Pologne, il y avait un antisémitisme culturel et atavique qui datait des premiers grands pogroms d'Orfalinski en Ukraine et tout. Bon. Oui, mais pourquoi, justement, alors, quelle est la raison? Il s'est passé, si tu veux, il y a eu, au début, c'est l'antijudaïsme chrétien. Dans l'antijudaïsme chrétien, les interdits qui sont donnés aux Juifs vont les mettre dans une position sociale qui ne peut que les rendre impopulaires. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit à la terre. Le shtetl, le village où a grandi ma mère, était un peu la seule exception. Les Sarabis, les Juifs avaient la terre depuis le début du 19e, mais c'est vraiment l'exception en Europe de l'Est. Ils n'ont pas le droit à la terre. Ils ont toute une série de métiers qui leur sont interdits, et ils sont condamnés à être soit dans la banque, dans l'usure, soit un petit peu dans tous les métiers qui sont intermédiaires entre le seigneur et les populations. Donc c'est eux qui se sont coltinés, mais il y avait déjà eu le même phénomène 2 siècles avant en Espagne, c'est eux qui se sont coltinés toute l'impopularité de la politique menée par les seigneurs, comme ils étaient l'intermédiaire entre le seigneur et la population, c'est eux qui se sont coltinés. Donc oui, il est évident qu'en Pologne, il y a eu un soulagement de la population qui n'avait plus de juifs à la libération. On sait maintenant que le village de Jedwabne, où il y a eu 1600 morts, ce n'est pas les nazis, c'est la population polonaise qui a massacré le village. Et même en 1946, à Kielce, donc on est après la guerre, il y a des juifs qui rentrent des camps pour récupérer leur maison, et il y a un massacre de quelques dizaines de morts, et c'est le grand départ, notamment vers la Palestine et tout, de ceux qui voulaient rentrer. Donc oui, il y a eu un passage de l'antijudaïsme chrétien à l'antisémitisme racial extrêmement profond. Ce qu'on appelle la Shoah par balle, c'est-à-dire les Einsatzgruppen qui vont liquider 1,5 million à 2 millions de juifs en avançant vers Moscou au moment de l'offensive sur l'Union soviétique, il est évident que cette tuerie de masse n'aurait pas pu avoir lieu sans la coopération active, surtout dans les pays baltes et en Biélorussie, de tas de milices locales. Ce qui est assez tragique, mais ça rejoint le débat de tout à l'heure, c'est que les descendants politiques de tous ces groupes antisémites virulents d'Europe de l'Est sont aujourd'hui sionistes. Vous prenez le cas de la Pologne. Les frères Kaczynski ont été élus avec l'appui de Radio Maria, qui est une radio antisémite. Frère Kaczynski, au pouvoir, était pro-israélien. Vous prenez les pays baltes, les descendants des partis pogromistes, il y a des véritables charniers, c'est 90% des juifs de Lituanie qui ont été massacrés et tout. Les partis qui descendent de ceux qui ont collaboré avec les nazis, ils sont pro-israéliens. C'est-à-dire que les juifs leur posaient un problème au point d'aller au génocide le plus radical quand ils étaient là, quand ils sont là-bas, c'est pas un problème. On est toujours dans cette inversion des valeurs. Quoi. Oui, bonsoir. Moi, je me suis posé un jour la question de quel peuple je suis. Je me suis rendu compte que si je discutais avec un Aixois, j'étais marseillais. Si je discutais avec un Parisien, je suis provençal. Si je discute avec un Allemand, je suis français. Avec un Américain, je suis européen, etc. À partir de cette question, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit que finalement, la notion de peuple, c'est une notion toujours relative à la discussion en cours. Pourquoi je dis ça ? Les frontières qui ont fabriqué les soi-disant peuples. J'y arrive. Donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du peuple, il n'y a pas de réalité, si ce n'est dans le cadre d'une discussion, quelle différence j'ai. Et la différence, ça dépendra tout de l'interlocuteur. Ce qui est valable pour les peuples, je crois que c'est aussi valable pour les religions, pour la philosophie, pour la politique, j'irais même presque jusqu'à l'économie. Quel est le but que j'ai, quel est le modèle que j'ai. Il y a tout l'intermédiaire. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'on arrive à distinguer chronologiquement les origines. Je suis de même que les peuples, tout dépend où on met la séparation. Si on met une séparation, on obtiendra deux groupes. Où qu'on mette la séparation, où qu'on mette une frontière, on définit deux groupes. Mais il y a tous les intermédiaires. C'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel, on les découpe en sept couleurs, mais en fait, c'est une continuité. Or, l'ennui, c'est quand il y a une rivalité entre deux personnes, quelle que soit la rivalité, tous les intermédiaires, ces deux personnes vont dire « t'es pour ou t'es contre moi ». Il va falloir choisir un camp dans cette rivalité. Et pour que cette rivalité vive, qu'est-ce que font les gens? Ils vont étiqueter les gens en disant ils sont dans ce camp ou pas dans l'autre. Guerre France-Allemagne, il y avait les Alsaciens, on n'a pas su où les mettre, résultat, vous avez vu le résultat. Donc, le problème, c'est que quand on discute d'un conflit comme celui-là, je vois arriver des tas d'étiquettes religieuses, raciales, culturel, politique, et ces étiquettes-là permettent de couper des tranches, de dire ils sont pourris, ils sont contre, ils sont de telle boîte, de telle boîte. Résultat, on ne s'en sort pas. Parce que quelle que soit la difficulté et la solution qu'il y a, quelqu'un va nous dire une étiquette, vrai ou faux, pour ou contre, dans un camp ou dans l'autre, mais on ne sait plus s'exprimer en tant qu'être humain. Et je crois que la grande difficulté qu'on a dans toutes ces situations-là, c'est qu'on se piège nous-mêmes en utilisant des étiquettes. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Qu'est-ce que c'est? En gros, qu'est-ce que ce serait un juif? C'est culturel, c'est religieux, c'est racial, c'est géographique. Il se trouve que j'ai fait une étude de sociologie sur une comparaison des askénazes et les séparades. On s'est rendu compte que ça n'a rien à voir avec l'étiquette que l'on remet. Il y a une continuité complète et la différence est purement de ceux qui sont extérieurs et qui se posent la question de quel peuple il est. Et on lui met une étiquette. Et après, on peut manipuler. Alors, quand il y a une bagarre, quand il y a une rivalité, quand il y a un conflit, pour que le conflit ait lieu, les protagonistes du conflit vont utiliser ces étiquettes pour pouvoir juger qui est contre lui, pour lui. Résultat, tous ceux qui sont là pour résoudre le conflit, tous ceux qui sont intermédiaires entre le conflit, tous ceux qui sont entre les deux, se retrouvent niés. Et le conflit ne peut qu'empirer pour les deux, en fait, ceux qui l'ont provoqué, qui cherchent un pouvoir, peu importe, voilà. Donc je pense que on reprendrait ce conflit israélo-palestinien en termes économiques, en termes territoire, en termes eau, en termes relations politiques internationales, on comprendrait, je crois, beaucoup mieux ce qui se passe que si on parle de juifs, de religion, de modèle politique. C'est mon sentiment. Mais je ne suis pas d'accord. Je vais un peu expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Bon, je crois que c'est Sartre qui disait que c'est le regard de l'autre qui fait le juif, quoi. On est aussi juif par le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et puis tous les discriminés en France, et Dieu sait s'il y en a, tous ceux qui sont victimes de discrimination, avant tout économique, parce que je crois évidemment la lutte des classes et tout, la discrimination, elle vient du comportement des autres. C'est-à-dire qu'à partir de... Bon. Et donc ça devient quelque chose qui est indéniable. Ce qui est à la base du conflit israélo-palestinien, c'est que le sionisme a donné une réponse fausse à une barbarie réelle, existante. C'est-à-dire qu'il y a un crime historique qui s'appelle l'antisémitisme, qui a existé, et dont tu viens de parler sur les traces qu'il peut y en avoir de disparition, de liquidation en Europe orientale, mais pas qu'en Europe orientale, et il a donné la pire des réponses à ça, qui a été la réponse de la séparation. Ce que je retiens du propos que tu tiens, c'est que toute idée d'essayer de séparer les gens en fonction d'identité présumée ou de culture présumée est une idée absurde et qu'il n'y a aucune alternative au vivre ensemble dans l'égalité. Par contre, je ne nierai pas l'existence des différences. Les différences, elles existent, simplement qu'à partir du moment... Et puis, il y a eu, le sionisme est né dans des circonstances où c'était pas que les juifs, c'était tout le monde. Imaginez qu'à la fin du 19e siècle... que les empires multiculturels s'étaient terminés, tout le monde imaginait un peuple égal à un État, et chacun imaginait qu'il appartenait à un peuple et mettait partout des frontières et des différences avec les autres. Les sionistes n'ont pas fait exception aux autres sur cette conception-là. Cette conception-là, c'est une conception barbare. Cette conception-là, elle a abouti à la Deuxième Guerre mondiale, déjà à la Première, et elle a abouti maintenant à la guerre en Palestine, où elle a abouti à 200 000 morts en Yougoslavie. Donc, je suis évidemment contre toutes les séparations absurdes, toutes les essentialisations des individus suivant leur origine présumée, leur religion, leur culture, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas pour ça que ces identités n'existent pas. Ces identités existent et on fait avec l'égalité des droits. Je suis contre l'idée de les nier. Y compris, par exemple, pour les juifs européens, 15 siècles d'antisémitisme les ont façonnés, leur ont donné une culture, des mœurs, des lieux de vie et tout, qui sont nés du fait de la persécution qu'ils vivaient. Ah, est-ce que je peux continuer? Il y a quelqu'un d'autre qui a demandé. Oui, alors peut-être pour conclure. Quand on parle de la question qui était mise, pourquoi les juifs ont été massacrés en France et en Europe, ce qu'on oublie, c'est que s'il y a un pouvoir qui est en place, qui veut s'enrichir ou qui veut obtenir de se conserver, il a besoin de prendre un bouc émissaire, de massacrer pour récupérer ses richesses et contenter son peuple avec ces richesses-là. Ça a été valable pour les juifs, mais il ne faut pas oublier que ça a été valable pour les protestants, ça a été valable pour des tas d'autres peuples. Peu importe, on a pris une partie de la population, on trouve un prétexte religieux, peu importe, on utilise ce prétexte-là, on peut ensuite tourner l'agressivité du peuple contre le pouvoir, contre ce bouc émissaire-là, récupérer ses richesses, contenter le peuple et garder le pouvoir. Mais c'est valable pour n'importe quelle étiquette. Et l'étiquette-là n'est que pour justifier cela. Et je sais qu'on dit qu'il y a eu beaucoup de pauvres de juifs, mais il y a eu de tas de groupes. De tas de groupes de protestants, ça a été des massacres bien pires. Les cigales. Donc c'est pas l'étiquette protestant juif autre qui compte. C'est le processus qui fait qu'un pouvoir, pour se conserver, va choisir un bouc émissaire, c'est la persécution qui donne une identité, mais il est probable que les Palestiniens, leur conscience nationale, c'est très largement la persécution sioniste qui a éveillé la conscience nationale palestinienne, c'est clair. c'est la persécution qui fait ça. D'accord. Bonsoir. Je reprends un petit peu la discussion en cours et une chose que j'essaie de passer chaque fois, c'est on connaît les différences, certes, ils sont là, ils sont existantes, on ne peut pas comprendre avec un suédois, c'est comme ça. Par contre, poser la question palestinienne, la question du conflit palestinien en termes de juifs, de musulmans et de chrétiens, c'est mon avis, qui a été forgé suite à quelques années de combat, c'est contre-productif, c'est-à-dire on est enfermé dans le schéma qui était décrété par l'oppresseur, et c'est-à-dire on pose les mauvaises questions, et en posant les mauvaises questions, on ne va pas avoir les bonnes réponses, ça va de soi. C'est pour ça, c'est vrai qu'on ne peut pas nier les différences, ils sont là, mais poser la question palestinienne, moi je la poserai tout en termes de droit international, droit à l'existence, droit à la population, tout un peuple à l'autodétermination, et ça s'arrête là. Dès qu'on parle de juifs, j'ai jamais parlé de juifs. Moi je veux dire, j'ai plus d'affinité par exemple avec Pierre qu'avec un musulman qui sort dans la mosquée qui me dit que la Palestine ne dérasse pas. Parce que pour moi, on a plus de points communs ensemble. Moi je suis musulman, il est juif, chacun vit. Fais ce qu'il veut, je travaille pas loin de lui, je travaille pas le samedi, sans problème, c'est pas le mien. Chacun fait ce qu'il veut, mais. On ne travaille plus du tout. Voilà. Mais poser la question palestinienne en termes de juifs. D'ailleurs, on voit que les chrétiens, ils sont complètement effacés dans cette histoire. Oui. Déjà d'une. C'est-à-dire, comme disait le monsieur, les intermédiaires, on nous a effacés. Et maintenant, ça va exacerber. Et l'autre question, c'est la question de race. La race, moi je crois pas à la race. La race, c'est un terme zoologique. La race, c'est les animaux, ça existe des races, c'est humain, il n'y a pas de race. C'est-à-dire, on est tous humains, on a des caractéristiques géographiques de l'endroit où on est. C'est clair que si on amènerait un Suédois à vivre en Afrique du Sud, en Afrique, il ne peut pas tenir, et maintenant il tient quand même. Il y a les habits et tout, mais il faut un temps d'acclimatation. C'est clair que la nature a forgé un petit peu notre race. Mais la race, je veux dire, l'ADN de l'homme, c'est l'ADN de l'homme. La race, c'est un terme zoologique, à mon avis. Bon, on a eu un peu cette discussion tout à l'heure. Moi aussi, j'étais d'accord avec l'idée qu'il n'y avait pas de race. Je pense surtout que le conflit, il est colonial. Aujourd'hui, on a le dernier gigantesque conflit colonial. Alors aujourd'hui, le colonialisme, ne pouvant pas agir de la même façon, agit d'une façon masquée qu'est le post-colonialisme. Le dernier colonialisme direct, l'avant-dernier, ça avait été l'Afrique du Sud, et le dernier, c'est la Palestine. C'est clair, on est là-dessus. Mayotte aussi, tout à fait. On conclut là-dessus, et puis on se retrouve autour d'un verre. Voilà, puis d'accord. Ceux qui ont envie, je signe leur bouquin, parce que je vais partir dans pas longtemps. D'accord. Donc merci à tous d'être venus, d'avoir été si attentifs.